Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de tout. Oui, oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue. Eh oui, ah mais c'est comme ça. On a... Non non, mais ils oublié. Ah, on a oublié. C'est trop rapide ou je suis trop vieux. T'es en train de digérer de toute façon. Ouais. Dire, tu as fini un burger il y a 25 secondes. Ouais, je m'assoupis régulièrement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec. Oui, ça va. Non mais allons-y tout de suite à la question. Ça va. Voilà, non mais c'est bien de dire ton prénom puisque. Allons à l'essentiel, vous. Eh bien, prends cette passe D. Notre première invitée est actrice, autrice et réalisatrice en 2024. On l'a vu dans la comédie, dans le drame, de Fiasco à Nos enfants sont rois, de Je ne suis pas un héros à récemment Tigrienne, film d'action sur Prime Video. C'est bien simple, elle était comme des lunettes de plongée quand on sort de la piscine. C'est-à-dire, embuée ? Elle était sur tous les fronts. Ah, c'est Géraldine Nakache. Oh là là. Toi, t'as pensé quoi ? La buée, ouais. Elle est pleine de buée. Ouais, on voit rien, quoi. Les troubles. Pas clair. Notre second invité est acteur, auteur et humoriste. Il joue les dernières de son spectacle, un soir de gala au Bouffe du Nord jusqu'à la fin de l'année. Le 25 décembre, il sera à l'affiche de Joli Joli, dans lequel il joue et il chante. Oui. Il jouera dans Deux pires extraordinaires en janvier, Juste la fin du monde et Il ne m'est jamais rien arrivé de Jean-Luc Lagarce. Et cette année, il a même animé Le Maillon Faible sur M6. Non, honnêtement, si vous nous écoutez, et que vous êtes un scout, mettez-le dans votre poche, car c'est un véritable couteau suisse. Oui, c'est super. Bonjour. Ça c'est super. Je veux dire que les lunettes de plongée n'étaient pas. Moi j'ai aimé. C'était vraiment de la chiasse. Oui, voilà. D'accord, très bien. Mais c'est noté. Ouais, le mot chiasse est arrivé très vite. C'est généralement les meilleurs épisodes. Il faut le mesurer à quel moment chiasse arrive dans la. Là c'est. Ah ouais, là, dans la première minute. Ah ouais, ouais, là c'est très très, très rapide. Très bien. Oui, on est trop content de vous recevoir à nouveau. Le binôme qu'on avait reçu il y a quoi ? Il y a des mois et des mois maintenant. Non, pas des mois et des mois. Ah bah si, je pense quand même déjà. Si, il y a plus d'un an. Ah bon ? Vraiment plus d'un an ? T'es revenu entre temps. Ah bon ? Ah voilà, c'est pour ça aussi. Oui. Je suis revenu avec un. Avec qui ? Avec un autre binôme. Qui ? Et j'étais un peu trompée. C'est qui ? En la personne de. Pierre Ninet. Pierre, viens, on connaît pas. Et alors, aujourd'hui. Là vraiment c'est un épisode complètement particulier. Il a préparé une surprise. Car pour, pas une surprise mais pour la première fois de l'histoire du Floodcast, nous allons compter les points. Oh non, déjà que j'aime pas jouer, on va pas compter les points. Pourquoi ? Car il y a quelque chose à gagner, une vraie agrafeuse. Ah, oui, et ça y oui. est, je suis excité, donc, car il y a un ange. Donc c'est une agrafeuse sans agrafe, il y a des vraies agrafes dedans, donc elle fonctionne vraiment. Juste une attaque contre moi en fait. Oui. Pas du tout, pourquoi ? Si, si, bah si. Pourquoi ? Rappelons aux gens. Agrafeuse sans agrafe, là, vous m'aviez humilié. Oh, bien sûr. On t'avait pas humilié, c'était ton cadeau qui était humiliant. Non. T'offres une agrafeuse qui agrafe pas, il n'y a rien dedans. Elle marche très bien. Ah, vous avez que des trous. Tu vas pas non, remettre. Non, pas du tout. C'est faux. Alors c'est je remets pas. Mais j'ai reçu des messages de gens qui l'avaient acheté et qui m'ont dit ouais c'est super, ça marche très bien. Ta maman, c'est pas du tout. Ma maman est décédée. D'accord. Il s'en tire toujours avec ça. Il est fort quand même. Donc voilà, il y a un petit enjeu. Bien sûr, je vais me tromper dans le comptage des points. Vincent va me détester. C'est une en plus, donc c'est vraiment. Tous les triggers sont là. J'ai pas du tout envie de parler de ça. C'est infecté, une agrafeuse. Et on en parle pas assez, ça. Non, c'est une blague. Donc on va compter les points. Pour la première question, Google vient de dévoiler les recherches les plus faites par les Français en 2024. Je vous demande le top 10. Macron. Pardon. Il n'y a pas Macron. Pierre Palmade. Il n'y a pas Pierre Palmade. Ah ouais, Donald Trump. Pas Donald Trump. En 2024, cette année. Ah bon, il n'y a pas Donald Trump. Il y a Kardashian. En fait, les gens posent des questions souvent. Alors là, justement, tu vas voir, je vais y venir. Là, je vous demande vraiment des mots. Tu ne me pointes plus du doigt, par contre. Et je te pointe parce que déjà, il y a la feuse, déjà, je la fais tomber. Oh non, il est le cadeau a gagné. Il est dingue. Alors attends, des mots, c'est des mots ? C'est vraiment des mots. Alors, saint. Non. S-E-I-N ? Il y a du porno ? S-I-N. Il n'y a pas de porno. Il n'y a pas de porno ? Il n'y a pas de porno. Mais c'est en France ? Mais personne googlise le porno. Tu vas directement sur ton site porno. Moi, Ah non, toi, tu. Ouais, tu vois, tu googlises. Sauf quand j'ai le sentiment d'avoir bien fait le tour de mon site porno. Non, mais ça peut arriver quand même. Mais que je vais élargir les horizons. Et ouvrir l'éventail un petit peu. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais du coup, c'est peut-être pas forcément les plus recherchés. C'est ça. Donc, c'est pas à chaque fois un mot, ça peut être un ensemble de mots, mais c'est pas une question. Est-ce qu'ils cherchent Google par exemple ? Non. Je connais des anglais. Est-ce qu'ils cherchent comment gagner de l'argent par exemple ? Non. Est-ce qu'ils cherchent des noms de célébrités ? Il doit y avoir pas mal de célébrités. Il y a, je peux vous le dire, trois célébrités. Alors, il y a Marion Mbappé. Non, il y a ni Mbappé. Attends. Pensez à l'année 2024. Je sais, Léon Marchand. Taylor Swift. Pas Léon Marchand, mais très bonne idée. Pas Taylor Swift. Les JO, Jeux Olympiques. Jeux Olympiques de Paris 2024, je te l'accorde. Wow. Ah, c'est pas un mot donc. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit un ensemble de mots aussi. Vous écouterez, je dis c'est pas des phrases, c'est des ensembles de mots. Dissolution. Des phrases. Alors, très bon guess, mais ce n'est pas dans les mots. Non, il n'y a pas dissolution. Israël-Palestine. Non, ce n'est pas non plus. Wow. Ukraine. L'Ukraine. Pas l'Ukraine non plus. Poutine. Tartatin alors. Pas tout Tartatin. En fait, c'est plus trivial en fait, j'imagine quoi. Non, pas vraiment. C'est des choses qu'on fait l'actu en 2024. Il y a beaucoup d'événements sportifs par exemple. Gros indice que je vous donne. C'est quoi comme il y a. Ah, Coupe du. Non. La Coupe du. L'Euro. Rugby. L'Euro. C'est l'Euro. C'est l'Euro. Il n'y a pas eu de. La graffeuse est pour moi. La graffeuse est pour moi. Il y a Arthur Dupont. Il n'y a pas Arthur Dupont. La graffeuse est pour moi, il a dit. Non. Il y a beaucoup d'événements sportifs, t'as dit, donc l'Euro et les JO, c'est pas assez. Il en reste. Les Jeux Paralympiques. Pas les Jeux Paralympiques. Ouais, c'est vrai. Teddy Riner. Pas Teddy Riner. David Douillet. Pas David Douillet. Ça c'était en 94. Les pieds jaunes. Pas les pieds jaunes. On les voit plus, les pieds jaunes d'ailleurs, on les voit plus. Dans les boulangeries, les petites trucs. Moi, je les voyais partout. Ouais, il y en avait partout. Au McDo. Ouais, partout. Ouais, non, au McDo, c'est pas les pièces jaunes, c'est pour Ronald McDonald. Enfin, la fondation, pas lui directement. Ce qui a remplacé un peu. Faudrait mettre Mediapart. Oui, c'est vrai que t'es dessus depuis quelques mois. Mais en fait, ce qui a un peu remplacé les pièces jaunes, c'est quand on paye par carte et qu'ils nous proposent de faire un arrondi. Vert ou rouge. Oui, mais c'est pas pour l'association pièces jaunes. Non, mais c'est vrai, ça a un peu. On va pas faire la fine bouche. Alors attends, parce qu'il nous manque trois, je vous rappelle, trois personnalités, on en a trouvé zéro. Zéro, et il nous manque un événement sportif. Alors pas Trump, mais il y a un événement autour de Trump. Bah élection américaine. Ouais. Un point pour Vincent De Dienne. Voilà, les élections. J'ai un point puis je m'appelle Vincent De Dienne. Donc un point pour Vincent De Dienne. Non, mais t'as fait une passe D, c'est vrai. Ah ouais, vraiment. C'est vrai, mais ouais, bon. C'est vrai. Tu vois, dès qu'on compte les points, ça c'est pas la même ambiance. Mais t'as merdé. Je suis obligé de compter les points. Si le cadeau est trop dingue. Elle est infâme. Comment? Elle est infâme. J'ai agrafé mes impôts. Non, elle est jolie, elle est grise. Elle est d'occas en plus. Elle a une histoire. T'as agrafé quoi avec? Mes impôts l'année dernière. Ah, les impôts? Recherche Google? Pas les impôts, mais bien joué. Un truc administratif quand même. Ah oui, la Sécu alors peut-être. Ah non, pas la Sécu, mais il y a un organisme français. La CAF. Pas la L'URSSAF. L'URSSAF. La MGEN. Non. L'ONU. La SNCF. La RATP. Un DUG. La PEP. Ah, la PEP. La PEP, c'est quoi la PEP? Tu te souviens pas de la PEP? Non. C'était une fédération de parents d'élèves. Ah oui. La MATMUT. On va dire pas de l'acronyme encore. Elle me manque, la MATMUT. Bah oui, mais attends, la pub, tu veux dire. La pub, bah bien sûr. Bien sûr. Merci, on salue Régis Laspalès. Donc, un fidèle auditeur. Il nous manque trois personnalités. Il faut qu'on trouve les personnalités. Franchement. Est-ce que c'est des personnalités internationales? Françaises. C'est des recherches françaises, hein. Clara Luciani. Pas Clara Luciani. Ah, si, attends, il n'y a pas Pierre Palmade. Non, non. Il n'y a pas Pierre Ninet. Non. Il y a un Pierre. Il n'y a pas Pierre Ninet. Il n'y a pas Pierre. Non, il n'y a aucun Pierre, hein, je vous le dis. Il n'y a pas Adèle Haenel. Oh, il n'y a pas Céline Dion. Il n'y a pas Céline Dion. Ouais, pour les gens. Ah, Yana Kamoura, il y a. Pas Yana Kamoura. Mais peut-être les gens. Il y a des sportifs. Il n'y a pas de sportifs. Mais c'est tes recherches Google à toi, les Français. Ah, j'ai pas précisé. Oui, oui. Ah, alors Kevin Smith. Faire repousser les cheveux. Comment? Non, ça va. Donc on en a trouvé zéro là sur les trois. Non, attends, est-ce que c'est des gens du domaine culturel? Tout à fait. Cyril Hanouna. Pas Cyril Hanouna. Les trois sont dans le domaine culturel. Je vous le dis, il y a deux acteurs et un chanteur. Voilà. Wow, cool. Alors, gros indice, mais je vous les balance. Un chanteur. Attends, deux acteurs et un chanteur. C'est ça. Pas de femme. Ou alors est-ce aucune, que t'as dit aucune okay. femme, tu m'entends? Regarde-moi dans les yeux. Mais les gens cherchent pas les femmes sur Internet généralement. Rarement. Qui c'est en 2024 qui a cartonné en musique? Pas forcément cartonné. Là en l'occurrence, les trois stars, c'est pas lié à un succès. C'est lié à un décès. Il y a du décès. Ah, il y a du décès. J'aime pas, du coup j'arrête de jouer. Je comprends, Géraldine. Qui est mort. Et rien que pour ça, je t'offre un point. Merci. Donc directement la graffeuse. Non, qui est décédé? Et qui chantait et décéda en 2024? Alors les décédés, c'est les acteurs. Ah. Voilà, je vous donne vraiment beaucoup d'indices. Parce que je suis en train de perdre. Ah bah non, j'allais dire Neil Sarestrup, mais je pense pas. Non. Non, non, c'est un peu en fin de l'année. Ouais, c'est trop en fin, ouais. Ouais. Pas le temps de capitaliser. C'est affreux. Non, mais. Alain Delon. Alain Delon. Jean-Marie Le Pen peut-être aussi. Jean-Marie Le Pen en. Non, toujours pas. Alain Delon. Qui d'autre? Qui d'autre? Bah il y en a un que... Mais en fait c'est ça, je pense que Jean-Marie Le Pen il attend 2025 pour capitaliser, ah, tu ouais, vois. Mais oui. Mais sinon je vais pas être dans le top Google. Ouais, évidemment. Et le podcast va pas parler de moi. Moi qui suis grand fan. Ça je vous ai pas dit hein. Qui est mort? Bah oui, je sais qu'il y en a un autre qui est mort là qui avait. Bah oui. Qui quoi? Bah oui, c'est vous l'avez là sur le bout de la langue. Ah ça va vous rendre. Non, franchement vous allez être trois chèvres. C'est vrai, il était vieux. Bah non. Non. Il était pas vieux. Enfin, il était. Trois chèvres. Vous êtes, ça va vous rendre chèvre, c'est pour ça que je le disais. C'est un indice. Ah, mais je crois que c'était un indice. Depardieu. Non, non, pas du tout. Ah, ouais. Gérard Depardieu, on l'a cherché sur Google. Pas Gérard Depardieu. Attends, donc il était pas si vieux. Ils ont un peu trié les recherches. Il était pas si vieux, il est décédé. Il avait 60 ans. Un peu plus, 70 et quelques. 70 ouais. Mais oui, mais bien sûr. Mais quoi, non. Mais si. Ah non. Elle est pas d'accord. Hein. Bah oui, non. Non, non, non. Bah, bien ça, sûr, il dit. Ça me revient pas. Bah, oui. Michel Blanc. Michel Blanc. Ah, mais bien sûr. Oh, là, bien oh, sûr. Putain. Là, bien sûr. Là, bien sûr. Et donc, ça recherche Google. Ça recherche Google. Mais c'est marrant, mais pourquoi les gens tapent Michel Blanc une fois qu'il est... Parce que c'est une fois qu'il est décédé qu'ils le tapent. Oui, donc, ils veulent voir les infos, quoi. Les infos, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que. Bah ouais, même revoir dans quoi il a joué, les images, les interviews et tout. Moi, là, je l'ai changé hier, mais je l'avais en fond d'écran. Une trop belle photo, je vais vous la montrer. Oh. Une belle photo. Ah, je sais pas. Comment on fait pour changer les fonds d'écran sur Apple? C'est pas grave. Merde. Bah non. Tu voulais dans appuyer. Les bras de. Je laisse. Ah voilà, exact. Ah bon? Non, ah non, non ça pas du tout. C'est, c'est quand t'es sur l'écran de verrouillage. Aïe, aïe, ça a ouvert, c'est recherche. Ah, de verrouillage, je laisse appuyer. Ouais. Attendez, et voilà, tac. À ce moment-là. Normalement, voilà, ah, regardez, voilà. Une belle photo. Ah, ah oui, avec la balasque. Avec, ouais. Balasco. Avec la balasque. Ouais. Bah, je suis désolée, j'ai pas fait ça, moi. J'ai adoré dans les debugs. J'ai pas fait les debugs. Ah, je m'encore, je et on retombe sur nos pas. Alors, Michel Blanc, Alain Delon. Récemment, on a eu ça avec Louis Carrel aussi qui a dit: mais je n'ai pas fait Garfield. Ah oui. On a vu sur Allociné qu'il avait joué dans Garfield. On a dit: ah, t'as joué dans Garfield? Il fait pas du tout. Pas du avec un peu moins d'entrain que Josiane Balasco. Oui, j'imagine. Garfield, le dessin animé. Non, Garfield, héros malgré lui. Ah oui, oui, c'est ça. Attends, et donc il nous manque un chanteur vivant. Ouais, chanteur vivant. Qui a cartonné ou qui a fait un scandale? Plutôt scandale. Ah. Mais je vais scandale. Vous le donner parce qu'il est oh, pas. Slimane. Pas Slimane, non, Kenji Girac. Ah bah oui, oh, c'était Kenji Girac. Ah, bien sûr. Qui sera carabine et exactement. Ouais. C'est ça. Je vous en donne quelques-uns. Pour ah, un... ouais, oui. Il y a de la littérature, il y a du Goncourt, oui, il y a du. Non. Bien sûr, bien sûr. Où est-ce que tu crois que t'es? Où est-ce que. Dans quelle émission tu crois que t'as foutu les pieds? Bah, c'est pas nous, c'est la est-ce France. Que dans quelle émission? C'est la France. C'est la France en l'occurrence. Merci pour c'est pas nous là, c'est pas nous. Ce serait nous, ce serait autre chose. Ouais, non. Attends, on pourrait, ce serait bien de pouvoir savoir. Non, remarque. J'allais dire notre top 10, mais on joue. Alors, c'est aucun marrant. Intérêt. Tu recherches Google. Là, chercher ça, non? Non, mais récemment, j'ai trouvé ça surprenant. Mm-hmm. Donc, vous savez, il y a Spotify Wrapped qui vous disent que j'adore, vous avez plus écouté. J'adore ces trucs-là, moi. Moi, j'adore ça aussi. Les rétrospectives des applis qui te disent. Qui te dit qu'est-ce que t'as écouté le plus? Qui le fait récemment? La SNCF. SNCF. Oh, la rétrospective. Ouais. Alors, elle nous écoute, la SNCF. Là, il y a des gens de la SNCF qui nous écoutent. Elle est fan. On arrête de nous prendre pour des enfants avec les jeux de mots, avec la poubelle qui dit merci. Dans le Ouigo, là, ça me rend fou, ça. On nous prend vraiment pour des enfants. Ah, j'ai peur, je croyais que tu parlais de la poubelle qui dit merci, du parc Astérix. Non, un banger, est génial. Ça, on aime. Ça, on adore. Alors, tu me tends une belle perche parce que j'ai fait, du coup, moi, j'adore tous ces trucs de rétrospective. J'ai fait celui de la SNCF. Et il y a un écran qui disait 100% de réservation en solo. Bah, c'est juste humiliant, quoi. Et après, ils mettent OK, ça vise l'exploit individuel. Non, non, je suis juste seul, quoi. Enfin, ah, mais en plus, il te trash, quoi. Ouais, en plus, ça vise l'exploit. Ah, ouais. Mais attends, c'est ta démarche, c'est toi qui a demandé à faire ce truc ou il te le donne? Ouais, il te le propose. En fait, il te propose de voir ta perspective. Je fais oh, bah, ça va être sympa. J'ai pris un peu le train, quoi. Attends, déjà, on peut revenir au moment où tu te dis tiens, ça va être sympa, ça. Ouais. Tu cliques sur. Moi, j'adore ces rétrospectives-là. Mais pourquoi? Tu te rappelles. C'est ça te remémore des trucs que t'as nostalgie. Oublié. Ah oui, voilà, d'accord, c'est ça. Comme une odeur, finalement, une photo, une odeur. Ah, c'est vrai, Rouen. Mais alors, il pose quoi comme question? Ah, bah, il pose pas de questions. Non, mais ah, non, juste, il te dit juste, c'est pas du tout que t'es une merde. C'est pas du tout le principe des rétrospectives. Non, c'est pas un quiz sur. Vous souvenez-vous de en quelle place vous étiez? Ce petit carré avec deux enfants. Il était bleu ou brun alors, le petit bambin? Vous avez pris la mousse au choc ou le cookie? Non, mais je veux dire, c'est parce que Spotify, il dit la chanson que t'as le plus écoutée, l'artiste. Je peux voir si j'ai. Oh, il va ouais, je l'ai. Il va nous faire sa rétrospective. Alors déjà, en direct. Rétrospective. Bien bah sûr. Oui, c'est ça. Cette année, vous avez battu tous les records. Ah. Pas du tout. Ils déjà. Ont tout pris vraiment. Sur Spotify, même utilisent les animations. C'est Spotify. Alors ça, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Ils ont un peu. Bon. 3344 km parcourus en train. Putain. Soit 66 880 longueur de bras coulés. Oh ah non, des petits gags. Ouais, quand même, des petits gags. 7 trajets cette année, pas beaucoup. Bah non. Pas tant que mais ça. Je te rappelle que t'as choisi le moyen de transport le plus écologique. Exact. J'aime bien, on le rappelle à chaque fois, j'aime bien. Tout seul, en tout cas, je rappelle. 100% seul. Après, 100% ils disent seul. Le classement de tes trucs. C'est ta bio, ça, 100%. T'es célibataire, Adrien? Oui, oui. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, à peu près. C'est vrai, c'est trop. Ah, il y a une anomalie. permets-moi de te le dire. En plus, je te trouve beaucoup moins misanthrope que la dernière fois que je suis venu dans cette émission. Oui, c'est vrai, t'es solaire. Ah bon? Bah, en même temps, vous m'avez humilié sur mon agrafé. Non, arrête avec les humiliations. Je me défends. C'est peut-être de notre faute, Géraldine. Peut... Ouais, vous êtes ligué contre moi, si je peux me permettre. Non. Adri solaire. Bah, c'est une. Ça fait du bien. C'est nouveau. Et 482 kilos de CO2. Économisé. Ça, c'est bien. Je vais pas faire tous les. On n'est pas là pour jeter des fleurs, ça, mais bien c'est, un bel argument pour trouver une nénette. Si je peux me permettre. 7 voyages en train, 490 euros. Une nénette. Mais bon, c'est pas le plus excitant, le rétrospectif de la CNCF. Mais même pour les auditeurs, j'ai envie de dire. Parce que moi, je me fais yèche. J'ai appris si elle est belle. Vous auriez pu faire votre rétrospective avant de venir. Ah bah moi, elle est, je pense que j'ai la plus belle rétrospective de France. Ouais. J'ai fait, je sais pas combien de milliers de dates en tournée. Ah oui, c'est des tonnes de CO2 économisées. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Alors, c'est quoi la ville, ta ville chouchoute? Ta ville fétiche. Ma ville chouchoute, non, j'ai découvert Vierzon, dans lequel j'étais jamais allé. Mm-hmm. Ah, c'est, ouais, je connais. Ouais, et en fait. Alors, je sais pas où c'est, parce que pour moi, Vierzon, c'est comme Vesoul. C'est un alors, peu sud. Oui, bah, c'est Jacques Brel, qui décrit. Sud-ouest, un peu, enfin, genre de Paris, un peu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, dites-moi, il n'y a que vous qui comprenez. Bah, c'est-à-dire, c'est pas. Attends, mais j'ai un gros. Non, c'est pas trop loin de Limoges. Ah bon? Un peu entre Limoges et Paris, c'est franchement entre Limoges et le Cap. Vous embrouillez pas, c'est trop con. Voilà les gens. Donc voilà, non mais la France, franchement la France, la France est belle. S'il y a des gens de Vierzon qui nous écoutent, envoyez un DM à Géraldine pour lui dire où c'est. Bah ouais. Franchement ouais. Parce que Vierzon décrié par Jacques Brel, toi tu dis, bah Jacques Brel, ravale tes dents, pas tant. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça que j'en ai. Et j'en ai quand même que les centres-villes, les Jules, les Marie Blachère, les Jacqueline Rioux, vraiment toutes les centres-villes se ressemblent maintenant. Petite crêperie. Ouais, ça fait de la peine. Je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, justement. Ah, c'est marrant, moi c'est Il n'y a que des prénoms pour que tu sois un petit peu. T'as l'impression d'être intime avec les magasins. Brice, Claire's. Bon. Jennifer. Jennifer, c'est insupportable. Paul. J'ai jamais remarqué, c'est vrai. Ouais. On en trouve encore. Et est-ce que c'est leur vrai prénom des gens qui l'ont inventé? C'est la question que je vous pose. Je dirais non. Je dirais pas du tout. Mais moi, non, j'aime bien, ça me rappelle, me dit qu'on est, ça me donne des points communs avec le reste des Français. Tu vois, j'aime bien, je me dis, on a tous un peu eu la même jeunesse. Le capitalisme, tu veux dire. C'est ça, j'adore ça. Vous avez un problème avec ça? Allez, je vous donne un petit peu les autres quand même pour avancer. La Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'autre. La CAN, bien sûr. Les vacances scolaires. Ils cherchent parce que les zones. Tous les ans, je cherche les zones. Bah, tu vois, tu fais partie. A, B, C, quoi, Créteil, quoi, ça veut dire quoi? Pas le moyen mémotechnique possible. Pour retenir, pour ça change chaque année. Ça change chaque année. En résultat des élections législatives 2024. Bien sûr que oui. Et France Travail. Le nouveau nom de Pôle emploi, lui-même nouveau nom de la NPE. NPE. Et les ACDIC. C'est bon signe pour la santé du pays, ça, que ce soit un des trucs les plus recherchés sur Google. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, je mets un pavé dans la main. Ouais, je vois, là, les canards ont peur, hein, attention. Mettez vos cirés. Sinon, les questions qui ont été le plus posées, je vous les donne comme ça. Alors, ouais. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale? Ah, bah évidemment. Ouais, évidemment. Mais ça, les gens tapent. Ça, j'adore. Ouais. Les questions. Gens tapent. Bah, je vais demander. Ouais. Oui, c'est ça. Il va me dire puisque t'as pas la réponse, Didier. Mais finalement, ils sont en avance parce que maintenant, avec les IA, ça devient pertinent de poser des questions. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est du coup, vrai. Ils seront. Je vous dis, il y a peut-être aussi les OK Google et du coup, tu poses la question à haute voix. Non, tu je vois. Pense c'est vraiment des vieux qui tapent des questions. Très bien, mon régisseur, ça me fait penser. J'étais en train de me dire, quand est-ce que l'intelligence artificielle m'a sidéré là récemment, et mon régisseur son Johan, que j'embrasse, a demandé à donc ChatGPT, j'y connais rien, mais vous à mon avis vous devez toucher votre bille, mais il a dit tiens si je créais une sorte de, donc comment on appelle ça, de logiciel ou je sais pas quoi, qui me faisait vendre des mugs, c'est-à-dire il y a rien là-dedans. Et ben il a dit à ChatGPT, fais-moi une plateforme de commercialisation de mugs. Ah oui, il a fait un site, il est en train de vendre des mugs partout dans le monde. Mais à qui? Pourquoi? Pour le vrai? Est-ce qu'il juste gagne pas énormément d'argent? Est-ce qu'il est mythomane aussi? Non, il m'a montré. Okay, bah, en fait, pour l'instant, il a vendu un mug. Ah, pas mal déjà. Qu'il a acheté un mug plongé sous-marine. Voilà. Mais le site, il existe, il est mis en place et tout. Tu oui, peux taper mais mug. Et lui, il a juste posé la question à ChatGPT. Je pense qu'il a un petit peu enjolivé le truc. Tu crois? Je pense. C'est pas possible. On a un expert ChatGPT. Dans le ChatGPT, il va pas voir des fournisseurs de mugs et il les fait imprimer et tout, quoi. Donc il y a quand même une grosse. Bah si, il l'a trouvé. Il a fait le site. Il a créé le site. Mais après, lui, il fait tout le reste, quoi. Qui, lui? Bah, ton régisseur. Il a rien fait. Lui. Non, mais c'est impossible. Voilà. Les mugs, faut bien que quelqu'un ait écrit l'appeler. Mais non, mais on a envie de l'appeler là. On a envie d'appeler Yoann. Bah, on va l'humilier. Non, il bosse. Moi, il je bosse. Vais le cuisiner, je vais le cuisiner. Non, non, là, t'as un débunker. il va passer un sale quart d'heure avec ce mec. Non, et ChatGPT, il va pas frapper à la porte des. J'ai très envie de savoir. Parce que comme on est un peu vieux, on peut nous dire ça et on peut les croire, les gens. Ah ouais. Ça, oui, ça peut faire peur. Il y a ça, y a ouais. aussi. Donc du coup, peut-être que Johan, bon, monsieur fait rouler dans la farine. Pas vraiment, pas. Une escalope, mon pote. Attends, est-ce que après il t'a dit, si tu veux investir dans mon. Non. Et regarde, si on mettait ta tête sur le mug, pas mal. Et au bout du Nord, là, on fait un petit tréteau. Et hop, et ça se vend comme des petits pains. Alors ça, elle revient chaque année. Pourquoi on a inventé la tronçonneuse? C'est vrai. Ah, et en fait, cette question, parce qu'en fait, c'est un peu gore. La tronçonneuse, a été inventée à la base. Ah, pour couper les cadavres ou un truc comme non, ça. Non, c'est pour les césariennes. Ah. Mais arrête. Non, mais à la toute base. Avant. Sans déconner. Non, c'est vrai. Après, ils se sont dit, ah, peut-être le bois aussi. Mais à la base. C'est Johan qui t'a dit ça aussi. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. À la toute base. Mais... À la toute base, c'est les césariennes. Pour moi, c'est aussi faux. Oui, je comprends. Non, franchement. Je suis en train de débunker en live. Hein. Débunker en live. Pourquoi Mbappé porte un masque? Parce qu'il s'était fait les balles. Ah oui, voilà. Pourquoi? D'ailleurs, c'était fou cette image, je trouve, de voir un joueur de foot avec le masque. Elle était assez folle. Je savais même pas qu'on avait le droit. Moi, je pensais qu'il juste il arrêtait de jouer, et en fait, pas du tout. Ouais. Pourquoi la France est qualifiée d'office à l'Eurovision? Bon, ça, je n'avais même pas la réponse. Bah, non, moi, en tout cas, des préoccupations de haut niveau. Ah, ouais. Mais si, ça, je l'ai appris. Oui, c'est vrai qu'on est systématiquement qualifié. Ouais. C'est un truc. On a gagné la guerre. À l'origine, c'est un truc très vieux. Tout le monde a des réponses de chien, ça. On est vraiment tous approximatifs. Parce que je crois qu'à l'origine, la France, elle disait la France Vision. Il y a un truc. Ah, n'importe quoi. Mais regarde, on va lui demander. On a rien du tout. Pourquoi on est qualifié systématiquement? Et qualifié systématiquement. Attends, et sur qualifié Google, d'office. Si on commence à taper pourquoi, on a, ils nous mettent. Parce qu'on fait partie des Big Five, autrement dit, les pays cofondateurs et financeurs du concours. Avec qui? Avec, eh ben ouais, grave. Là, moi, j'ai tapé pourquoi, juste sur Google, et ça me propose pourquoi Monaco PSG mercredi. Eh oui, ouais. Pourquoi? Et pourquoi pas ce tu poses la question. Pourquoi pourquoi je me suis mariée, c'est exceptionnel ça. Non, ça c'est un film. Non, ça c'est Vincent. Ah, c'est un film, d'accord. Et pourquoi le pape va en Corse? Bon. D'accord. Ça c'est la préoccupation des Français en ce moment. Et pas de Jennifer. Parce que Jennifer n'a pas été invitée alors qu'il y a le pape. Et ça moi ça m'en foudra. C'est vrai, elle a pas été invitée. Ah, ça m'énerve par contre. Ouais, t'as vu? Mais ils auraient pas pu inviter les deux. Mais ça c'est la France. Qu'Alizée a dit c'est elle ou moi. Oh, tu crois? Oh là, il lance des gossips. Jennifer n'a pas été invitée. Je l'aime d'amour. Donc ça me chafouine. Et puis c'est la Corse. C'est vrai que c'est la Corse. C'est vraiment la Corse. Jennifer Bart Toli. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est débunké? C'est, disons que c'est une rumeur, mais c'est t'y crois pas toujours. Non, si c'est sûr, et t'y crois pas. Non. Il y a un débat en gros sur l'origine de la tronçonneuse. Voilà. Et donc, il s'est dit parce que on faisait mais des césariennes. Possiblement césarienne, mais c'est pas pas sûr à 100%. Ouais, voilà. Ah, okay. J'ai envie d'y croire. En tout cas, les femmes qui ont se testé à l'origine ne sont plus là pour nous, ouais, nous en parler. C'est des femmes troncs du coup. Attends. Mais bien sûr. Et joyeux Noël, c'est dans quelques jours. Joyeux Noël. C'est super. Mais ça sort après Noël là. Bah t'es solaire. T'es solaire. Voilà, donc, ouais, c'est vrai. Ça fait pas de mal, hein. Vu le temps qu'il fait. À toutes les filles qui nous écoutent. Didier Barboni vient. Je suis très bien seul. Est-ce que vous utilisez Internet pourquoi vous utilisez Internet le plus dans votre quotidien? Pourquoi de plus, t'as dit? Vous l'utilisez pourquoi au quotidien Internet? Vous l'utilisez le plus pourquoi? Quotidien. Bah débunker moi. Toi tu débunkes, c'est vrai. Non, moi vraiment les trucs comme ça là, les billets de train, les billets d'avion, les machins, les trucs. Ouais, le faire livrer des packs d'eau, tu vois. Ah ouais. Rien d'autre. C'est vraiment, vraiment prioritairement ça. Je comprends. Vincent, à part monter au cinquième étage, oui. C'est pratique. Bien sûr. Ça doit être moins l'âge des stars. C'est vrai. Pense, ouais. Attends, mais à quel âge Valérie Mérès? Hop, et tu. Ah et oui. Tu regardes. Ah bah tu vois, tu dis quoi toi? Ce qui est super non aussi. Non plus, c'est sûr. Je l'ai pas fait 100 fois, mais je l'ai fait. Enfin, tu le fais une petite dizaine de fois, t'es bien. C'est les Kardashians avant-après. Après quoi? Après les Kardashians et Co, quoi. Ouais. Oui, après, ouais. Oui, après tout. Avant, après, mais même après un legging ou quoi, parce que c'est, elles ont que des trucs qui les rendent d'autres personnes à chaque c'est fois. Ça, elles enfilent un pantalon, c'est d'autres gens. Mais ça, tu fais du mal en regardant ça. Non, j'adore. Ah, t'adores? J'adore, non. Je me dis, bah pourquoi pas? Et alors? Et alors pourquoi pas? Et alors pourquoi te priver? Et c'est ton utilisation et principale d'Internet. C'est les Kardashians avant, après. Et ça a bien fait d'être inventé comme ça. Il y a peut-être des IA qui font que ça. Et est-ce que vous vous googlisez parfois? Oui, moi ça m'est arrivé, ouais. Et ouais. Pour vérifier ou pour... Bah parce qu'on me disait beaucoup, j'adore ce que vous faites pour le Liban. Et je me disais, mais tu fais quoi pour le Liban? Et en fait, j'étais libanaise pendant des années sur Wikipédia. Ah oui, sur Wikipédia. T'étais libanaise. Ouais, on parlait beaucoup, ouais, on parlait en arabe, on me disait machin. Et donc je souriais bêtement et je disais, ah ouais. Oui, ouais. Et en fait, j'ai compris l'erreur. Ah, donc tu revérifies régulièrement qu'il n'y a pas d'autres erreurs. Non, j'ai arrêté avec ça, mais des fois je regarde Géraldine Nakache, les enfants sont rois. Ah, une chiasse. Bon, bah, laisse Géraldine Nakache. Je ne suis pas aéro. Ah, une autre chiasse. Géraldine Nakache. Oui, tu te fais du mal, quoi. Les banaises. Voilà, c'est cool. Les gens sont contents que je sois les banaises. Voilà, bon, c'est ça. Non, il y a vos Wikipédia respectifs sont très fournis. Non, il y a beaucoup d'informations. Là, je suis dessus, je me balade. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Moi, pendant un moment, on me disait que on m'a toujours mis en couple avec des gens improbables. Pendant un moment, j'étais en couple avec Michael Gregorio. D'accord. Ah bon, mais pourquoi? Bah, c'est pas. Il y avait une photo de vous deux quelque part. Ou je crois même pas. Ouais. Non, je crois même pas. Les gens. Vous aimez bien fou, l'idée. C'est sûr. Ouais. T'as peut-être dit, j'aime bien les gens qui font la guitare avec la bouche et puis voilà. Fil en aiguille. Il fait ça. Va pas trop loin, Adrien. Bah, ah oui, avec la bouche, il limite. Oui, quand il fait matcher les gens. Pardon, je croyais qu'il faisait de la guitare avec sa bouche. Pardon. Non, il limite. Rien à voir. Oui, pardon, excusez-moi. Après Fogiel et après. Yann Barthès après. D'accord. Donc ouais, ils inventent des trucs. Toi, il y a eu un truc que moi j'ai vu sur internet que t'as voulu débunker. Tu n'es pas la voix d'Aldi. Oh putain, mais tu n'es pas la voix de Aldi. Plus je dis que je ne fais pas la pub Aldi. Parce que ça ressemble vraiment à Vincent. Je sais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte que ça. Je ne peux pas porter plainte. Je me suis renseigné. Parce que ça me nuit énormément. Parce que tout le métier pense que je fais la pub Aldi et que tu penses... je suis de mauvaise foi parce que je l'assume pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont essayé de faire en sorte que ça soit. Je pense que j'ai fait une connerie. Je pense qu'au début, non. Parce que franchement, tu te dis pas, tiens, on va faire une voix. Enfin, en plus, au moment où c'est apparu, vraiment, tout le monde s'en foutait de la voix de Diane. Enfin, vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une voix non plus. Tu vois, je suis pas. Jean-Baptiste Guégan. Oui, voilà. C'est le mec qui fait Johnny, ça. Oui. Et qui chante Noël, d'ailleurs. Non, mais genre, je comprends qu'on prenne la voix de. Je sais pas. Hyper bien. Non, hyper bien, je dirais pas si, ça. Si, c'est hyper bien. Ouais. Mais très bien Guégan qui fait AIB. Voilà, mais du coup, t'as voulu porter plainte, pourquoi? Non, j'ai pas voulu plainte, je me suis dit. Et comment en fait, comme j'ai dit, je ne fais pas la pub Aldi, après, je pense qu'ils se sont dit, ah, on a trouvé le mec dont la voix ressemble, quoi. Donc, c'est tout bénef. Ouais. Ah oui, voilà. Et ils lui ont fait faire plein de trucs après. Ouais. Ah, donc en plus ça a perduré ça dans le temps. Ouais. Et il est là aujourd'hui. Putain. Bon bref, donc je le redis sur cette antenne. Voilà, qui est ô combien populaire. Oh là là, attention. Je ne fais pas la pub Aldi. Non, ouais. C'est pas moi la voix de Aldi. Aldi, je sais même pas ce que c'est. M'emmerde avec Aldi. Ah oui, c'est Didier Bourdon. Qui est dans une voiture, on allait tourner machin, et il se retourne et il fait, faut quand même que je te demande, quel besoin t'as de faire cette pub Aldi? Oh non! Et là, j'étais là, non! Mais DJ! Ouais. Ça va jusque-là? Mais oui, les gens, je pense vraiment, les gens dans le métier, je pense que par exemple, si j'ai pas encore tourné avec Justine Triet. Moi, je trouve qu'à ce stade, tu devrais le faire. Mais oui, franchement, t'as raison. On prend l'argent, quoi. Mais attendez, c'est clair, c'est que les désavantages, là. Bah, c'est ça. Et tu continues, tu fais une pub pour Lidl. Non, bon, et ben voilà, c'est la carrière qu'il a. Parce que tu fais la pub, mais tu continues à dire que c'est pas toi. Oh là là, voilà, mais honnêtement. Oh, t'es pas assez vice là. Non, là il est agacé là, de toute façon, il peut plus. Il y a un truc qui s'est cassé entre lui et Aldi. Et du coup, ils ont envoyé, je sais plus quoi, un jour, Jean-Paul Rouve a dit si c'est toi, je t'ai reconnu, nana. Ils ont envoyé une friteuse à Jean-Paul Rouve. Parce que c'est les tuches, les frites. Non, mais d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il aurait dit la vérité, genre. Oui, parce qu'il a parlé sur Instagram, ils se sont dit ah, donc ils lui ont envoyé une friteuse à Aldi. Et toi, rien, ils t'ont même pas. Ou t'as refusé? Ah bon, en plus rien en plus. Non. Ah ouais, non. Bah, Aldi là, il aurait pu vu qu'en vrai t'as fait la pub. Oh, il faut couper. Il fait des rangées. Il fait des rangées. C'est une IA, je trouve, c'est une IA depuis le début. Mais non, mais je crois qu'ils font ça vraiment. Ils prennent des voix qui ressemblent. C'est méga malhonnête. Ils font un casting. En fait, je crois, je sais plus quelle pub, il y avait une célébrité qui faisait la voix. Et après, c'était plus lui, et ils ont pris quelqu'un qui faisait une voix qui ressemble. Tu vois. Mais cela dit. Attends, il y avait Daniel Prévost qui faisait tout le temps une pub pour un truc. Et c'est son Soren Prévost qui fait la voix maintenant. C'est pas la même chose. Mais là, ils ont fait la suite logique. Mais ça me dit quelque chose, parce qu'un jour, j'ai entendu une pub, je me suis dit, ah, on dit. Et je me suis dit, on dirait que c'est pas tout à fait la. Vincent de Dienne, alors que c'est lui. Non, mais genre, ouais, tu vois. Parce que ça serait facile de prendre quelqu'un qui a presque la même voix que Laurent Dutch, par exemple, pour les magasins U. C'est peut-être ça. Attends, parce que là, quand tu dis Laurent Dutch, par exemple, j'ai le sentiment d'avoir entendu sa voix sur un truc. Il fait tous les magasins U. Il le fait en vrai. Des années. Ah, moi, parce que moi, alors c'est, bon, peut-être, ah, voilà. peut-être que je confonds, mais j'avais entendu un truc comme ça qu'en gros c'était plus lui et qu'ils avaient pris un gars qui faisait ça. Enfin, apparemment c'est lui. Non, non, si c'est lui, la voix off, et c'est de l'acteur Laurent Deutsch qui collabore avec l'enseigne depuis 2016 et qui fait accoucher des femmes effectivement avec des tronçonneuses également dans son temps libre. Voilà, c'est dans son prochain bouquin. Les chiffres sont tombés et je vous le dis. J'espère qu'ils ne sont pas fait mal. C'est Noël, les amis. C'est Noël. La France est numéro 2, juste derrière les USA. À votre avis, dans quel domaine? Ping-pong. Pas le ping-pong. Bah, c'est vrai que oui. Avec les frères. Bah, le basket. Bah, oui. Les frères. Comment ils s'appellent? Oh là là, je les ai pas. Les frères. Le grand. Non. Les frères. Carabatelli. Merde. Les luneteux. Comment ils s'appellent? Ceux qui écoutent sûrement le flot. Patrick Beau disait. Félix, les frères, le ping-pong, là, avait dit Patrick. Félix, les frères, le ping-pong, là. Non, le bras. Bravo, intéressant. Tu connais ça? Bah ouais, je connais. Je les ai vus, je les ai regardés même. Les pongistes? Les pongistes, je les ai regardés. Ils m'ont fasciné parce qu'ils sont comme s'ils voulaient pas qu'on les voit. Oui. Ah bon. Et quand ils jouent, ils se disent, est-ce qu'on me voit vraiment? Ouais. La raquette gantite, on me voit. Ils ont un comportement de personne qui dit, on me voit pas là, c'est bon. Ils croient qu'ils sont derrière un mur pour moi. En fait, si je devais jouer ça, je me dirais, ah ok, je suis caché derrière un mur. Donc du coup, ils se raidissent. Et là, il y a que la, et que là, le poignet comme ça qui fait un truc. Incroyable. Oui, ah, j'aimerais que tu vois ça. Ah, j'ai regardé. Ça m'a passionné. Moi, j'aurais adoré qu'ils existent quand moi j'étais jeune parce que c'est un message d'espoir pour tous les geekos lunettes. Après, je fais ping-pong tout de même, mais. Oui. Non, mais attends, qui est le sport de geek. Je les ai vus dans des pubs et tout carrément. Ah, peut-être. Un peu sexy. Et tout. T'es à côté du micro. Normalement, tu sais, ça t'évoque quelque chose quand même, ce truc turgescent en face à toi. J'avais envie. Tu te doutes bien qu'il faut parler. J'avais envie de parler des frères comment? Lebrun, les frères Lebrun. Félix et Alexis. Monsieur Lebrun, c'est dans Félix quoi ça, Monsieur Lebrun? Félix et Alexis. Ah, Monsieur Lebrun. Monsieur Lebrun. Le Cluedo. Monsieur Lebrun. Attends, oh, ah, c'est une comédie française. C'est Monsieur Lebrun. Les choristes. Non, ah, ça non, c'est le cheval. Pignon. Oui, mais l'ermite s'appelle pas Monsieur Lebrun? Ah bon? Non, hop, il est Brochant, exact. On a tous eu le même truc de. Il est mignon, il est mignon. Ah ouais, mais pardon, je crois que c'est dans. On connaît la chanson, je crois. Oh là là. Je crois que c'est. Gikos. Monsieur Lebrun, non. Non, oui, pas du tout. Pas du tout, ouais, j'ai faux. Mais il y a un truc, putain, je vois c'est quelqu'un. Qui, Monsieur Lebrun. Ah, c'est bon, l'aura pas. Ah, avec, oui, mais je suis derrière toi là. On va avec trouver, quelqu'un on va avec autorité qui le dit. Ah ouais. C'est ah, pas un Pierre Richard. Genre Blié dans le distrait. Bah, Pierre non, Richard, non, autorité. Non, mais Bernard Blié. Ah, ouais. Moi, je vois un Arditi, mais peut-être pas. Monsieur Lebrun. Ah, ça m'énerve. En tout cas, ça ne me dit pas. Arditi, il ferait. Monsieur Lebrun. Monsieur ah bon Lebrun. Il a une sorte de bégaiement. Non, ça dépend justement. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah oui, je l'ai pas eu tout de suite. Ça commence à me courir. Ça commence à me courir. Super. Oui, mais toujours noble. Oui, un bégaiement noble. Oui, très élégant. Oui, mais dans On connaît la chanson, justement, il hurle sur Lambert Wilson. Bah, dis monsieur. Je sais pas quoi. Monsieur Lebrun. Non, pas Lebrun. Mais t'as raison, je crois. Mais c'est pas Lebrun. Mais c'est pas Lebrun, mais il hurle parce que sur l'agent immobilier parce que sa femme lui dit quelque chose. Oui, parce qu'ils ont construit. Ah, il y avait des travaux, il avait rien dit. Ah, et il fait. Mais je crois que t'as raison. Monsieur le machin, mais Monsieur c'est pas Lalande. Lebrun. C'est non. Arditi s'appelle Lalande en tout cas. Ah oui. Ah, non, mais c'est Lambert Wilson. Le nom de Lambert Wilson, c'est Duverrier. Voilà. Monsieur Duverrier. Il y a pas le bon nombre de syllabes. Ah non. Non, mais j'ai dit que c'était pas dans. Que c'était pas ça. Oh là là. J'ai dit que c'était pas ça. Je sais pas quel personnage je fais. Je disais qu'il s'énervait quand même dans. Ouais. Il faisait pas comme t'as fait. Comme c'est bon. Oh bah dis donc, c'est quoi qu'est-ce bah, que ça veut dire ça. C'est terminé. Et 2024 se termine bien mal pour Adrien Méniel. Je me suis fait avoir, je l'ai pas vu venir. Sur la dernière ligne droite. 10 ans de podcast. Il était pas hésitant comme tu l'as fait. Bah ça va pas, Adrien. T'étais solaire jusque là. T'étais solaire, tu t'es assombri. Quand il devient solaire, il devient homophobe. Ça, c'est pas c'est normal. Je le suis jamais parce que. Du coup, les nénettes. Aïe. Vous m'avez piégé en fait, encore une fois là. À la fois il est solaire et en même temps. Alors ça ne nous dit pas en quoi la France est numéro 2 alors que les USA sont number 1. En pollution. Pas en pollution. Déjà vous pouvez trouver. Vous pouvez le domaine. Le domaine, voilà. Judiciaire. Culturel. Pas culturel, pas judiciaire. La bouffe. Pas la bouffe. Une habitude. Oui. Très vague ce que je viens de oui, dire. Voilà, donc, ouais. Oui, un peu. L'hygiène. Pas l'hygiène. Ah, joli. Le la météo. Politique. Pas politique, pas la météo. Météo. Donc, c'est-à-dire en quoi oh, bah tu me laisses déjà, je les joue. Les Français pleuvent beaucoup. Ça, j'aime pas jouer. Déjà que je suis gentille de dire un truc. Parce que j'en ai rien à foutre. C'est vrai que tu détestes les jeux, on avait oublié. J'ai horreur de ça. Et les jeux. Alors qu'elle vient à chaque fois avec plaisir, ça qui fait. Parce que je pense qu'on va discuter, je pense qu'à un moment donné vous allez me dire, tu sais quoi Géraldine, c'est une connerie ces jeux. On va discuter. Oui, bah on va trouver qui, Monsieur Lebrun. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Alors vas-y, dites des trucs. Allez-y, dites des trucs. En quoi les numéros 2 de la France? Numéro 2 c'est dans quoi? Le domaine d'Internet. D'Internet. Ah, d'Internet. Ah, le porno. En téléchargement. Le porn. Ah, ouais, le porn. Le porn, il a direct. Deux. Mais ça veut dire quoi? On est deux. On est deux qui cherchent ou on est deux qui fabriquent? Alors non, très cherche. Bonne question. Les deux qui cherchent, les qui consomment. Qui consomment, voilà, d'accord. Alors c'est le porno, c'est le site Pornhub qui a partagé ce livre. Un peu comme... La rétrospective, le porno, Pornhub a partagé son... Non, c'est pas exactement la même chose, c'est ça, eux, leur chiffre à peut-être eux. Peut-être qu'ils font, je sais pas. Oh, non. Oh, ils doivent faire, mais est-ce quel jeu de mots ils pourraient faire alors? La rétrospective. Ouais, si, c'est Noël. Joyeux Noël, ouais. Joyeux Noël à tous. Rétrospective. Ah oui, oh, bien c'est sûr. Dégueulasse. Rétrospective, oui. Ah bon. oui. Ah bah, j'ai eu Géraldine. Oui, sur celui-là, oui, parce qu'il est doux. Il est doux, il est rond. Il est rond, c'est un bon vin. Oui, il est rond, il est bien. Quand il fait froid, on a envie de se le faire. Donc oui, c'est les connexions à Pornhub. Et à votre avis, qu'est-ce qui explique cette place de numéro 2 des Français? Et oui, il y a une raison. Alors, en 2024. Bah, on a pourquoi dans le cul, eu plein... on a dans le cul, tout simplement. On est évidemment fou de cul, hein, on est le pays. Attends, il y a une raison pour laquelle on est du fromage et du cul. On a oui, grimpé cette dans année, en 2024, on était numéro 3, même numéro 4 les années d'avant. En général, c'est une mauvaise nouvelle qui fait flamber la consommation de porno, non? Eh bien pas là, c'est une ah, c'est les JO. C'est les JO. La joie de vivre. Je comprends pas. Non, il y a eu le dans le village olympique, ils ont... C'est ce qu'ils expliquent. Je comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites? Les touristes, il y a eu plein de gens qui sont venus en France. Ah. Et du coup, ils sont tous beaucoup connectés au porn. Ah, donc c'est pas des Français en fait. C'est non, des... c'est ça. C'est oui, ça. Ah, mais attends, quand tu te connectes, c'est... Ah, c'est forcément c'est ton adresse IP. C'est-à-dire que ouais. Si t'es portugais et que tu veux aller sur le non. Site non. Portugais, ouais, mais portugais, oui, non, tu peux pas. Bah, ils sont mondiaux hein, de toute façon maintenant, tu sais. Non, c'est mais en fait, ils ont mesuré. C'est des connexions en France. Ils ont mesuré les connexions depuis la France. Un Chaplin, tout le monde comprend. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, le porno, c'est comme un Chaplin. C'est comme Chaplin. Tout le monde Géraldine Nakache. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui, bien c'est sûr. C'est international. Ça relie les peuples. Moi, c'est ce que je dis souvent, le porno. Ouais, absolument. C'est devenu une tradition. Pornhub dévoile un nouveau rapport annuel sur ses tendances en matière de pornographie. L'an dernier, en 2022, la France n'était que 3e, mais selon Pornhub, ce rebond pourrait avoir été causé par les Jeux Olympiques de Paris qui avaient venir dans l'Hexagone de nombreux sportifs et touristes étrangers. Et d'ailleurs, le terme French est monté 15e dans le classement des recherches mondiales. Ah, donc on est devenu sexy. On est devenu sexy. Bah, on était sexy, non? Plus 104%, je crois. On était sexy, je crois, non? L'accent J'sais et tout. Pas. Voulez-vous coucher avec moi? Oui, mais tu sais, dans le porn, ils sont moins romantiques, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, en fait, le truc, je fais des généralités et pardon au porno qui les Français, on a la réputation d'être romantiques et en même temps d'être dégueulasses au niveau de l'hygiène, donc ça doit s'équilibrer, quoi. C'est vrai, t'as raison. C'est-à-dire, entre la romance et la dégueulasserie de l'hygiène, il y a pile poil le porno. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est, oui, on. Ouais, mais tu vois, des gens qui adorent le cul, mais qui dopent, quoi. Donc peut-être. Ouais. Oh. Enfin, je sais pas. Vais y aller. C'est vrai que t'es sympa d'être là, Géraldine. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah oui, encore c'est vrai, une fois. Bah, rappelons-le. Et à votre avis, et après j'arrête sur le porno, combien de temps restent les Français sur un site porno en moyenne? Oh, une heure et quart. C'est quoi un Chaplin en durée? La durée d'un bon du pieux. C'est un petit peu moins quand même. Non, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Une heure et quart, c'est une minute dix. Non, c'est plus. Et là, on se dit un juste prix. Non, je dis ça. Ah ouais, parce que les. Je dis ça, je rigole, hein, une minute. Non, ça doit être 20. Imagine, bien plus. Imagine. 25, 25 minutes. Non, moins de 25 minutes. Non, 5 minutes. Un peu plus. Ouais, 6 minutes. Bon, plus. 10. 10 minutes, 10 minutes. Un tout petit peu moins de 10. C'est mais... plus. 9 minutes, 9. Je vais l'accorder à Géraldine Nakache. C'est merci, 9 c'est minutes une belle et réponse. 48 secondes. C'est super. Voilà. C'est une belle réponse. Moi, j'aime bien qu'il y ait les secondes. Ouais, c'est important. C'est très précis qu'on recherche. Ils ont toutes les datas. Comment tu peux savoir? Ah oui, si, bah oui. Si bah, eux, ils savent. Ah ouais, putain, ils savent. C'est un clic de souris. Est-ce qu'il y a des gens qui restent sur le film après avoir éjaculé des hommes? Ah, qui l'est, oui, qui coupent pas tout de suite. Eh, ça doit exister. Qui laisse en fond pour une présence, quoi. Non, bah ça me fait. Tu discutes. Ça me fait une présence, quoi. C'est drôle. Bon, bah sinon je vais repasser ça. Moi. Oh, ça va! T'es pas tu ou quoi? Oh, le bourrin de merde! Oh là là, il était solaire, hein! Pourtant! Bah, c'est solaire ça! C'est le solaire! Non, c'est solaire pour moi! Le crépuscule approche! Oui! Attends, un petit nuage noir là au-dessus de la tête! Non, c'est solaire, Patrick Sébastien! Quoi. Alors en moyenne. Et si c'est ça être un beauf, et bah. Alors, bah mettez-moi mais t'es bien en imitation toi! Pas mal! Aujourd'hui là, je sais pas. Ah ouais, j'adore! Il a d'humeur en imitation! Eh oui! Non, mais je vais pas continuer, vous si, m'en regardez. Si, on a envie là, d'un autre. C'est hyper bien. Il faut que ce soit spontané. T'imites pas des masses, toi, Vincent. Je t'ai pas vu beaucoup. Si, attends, j'ai fait Arditi il y a 10 minutes. Ah, c'est vrai. Si, dis-moi n'importe qui. Clavier. Clavier, ah ouais. Bah là, Clavier, là, je l'ai vu dans les interviews. Là, il a franchi un cap de mauvaise humeur, là. Et vraiment, il a plus envie de se faire interviewer. Et j'adore. Ah, alors, c'est un personnage. On se voit, mais je sais pas, on verra. On va pas décider des choses. Ah, mais c'est Gargamel, quoi. Non, oui, c'est génial. Je crois que c'est un enfer de. J'ai fait une émission avec lui, mais quand tu adores qu'il t'insulte, c'est un paradis. Mais il le fait, ça, il, ouais, le fait, il tient la route, quoi. Ah ouais, franchement, c'est, si t'es bon client, il est à l'aise. Ah, et là, ça, j'adore. Il est donc, en moyenne, les Français ont passé 2h33 chaque jour sur Internet pour leurs recherches. Ouais. Le mobile représente 79% de leur temps de surf au quotidien. Oh là là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu trouves? Attends, de quoi, beaucoup, de quoi, le mobile, le téléphone, tu veux dire? Le téléphone mobile. Ah, ouais, ah oui, d'accord. Et oui, tu trouves 2h30 sur Internet? Non, nous, pour moi, c'est par jour. Ça me paraît pas tant, hein. Ouais. Par jour. Ah, mais attends, c'est pas, ouais, sur, ouais, le porno, beaucoup, non, c'est pas. Non, là, je suis parti du porno. Ah, ok, porno. Oui, je me suis permis, non, une petite digression hors porno. Je me suis fait une petite rétrospective. Rétrospective des 5 dernières minutes, je suis revenu. Non, mais parce que tu regardes maintenant avec Netflix et tout, tu fais beaucoup, beaucoup, ouais, de choses, vrai, sur Internet, vrai. Ça m'étonne, 2h33. Je sais pas, non, mais Adrien. Ouais, je sais pas. Toi, t'es un peu plus. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Un peu moins en ce moment, mais un peu plus quand même. Tu les connectes un peu, c'est vrai qu'il est plus sur Insta et tout. C'est vrai, ouais, ouais, ouais, mais ouais, c'est par volonté. Ouais. Alors pourquoi? Une petite cure. Un sevrage. Parce que je me fais trop aspirer par les trucs de merde. Ah ouais, tu vois, il y a 2 heures qui se passent, j'ai regardé que des trucs, ouais, qui, ouais, m'ont énervé, comprends, et tout. Ouais, et c'est vraiment fou. C'est... Hein, comment ça se fait, ça qu'on est... Et c'est, on a tout ça. Hein. Bah, oui, parce que c'est fait, monde, pour. Ouais, ouais. C'est, ouais, créé pour te garder en ligne, quoi. Ouais, on a tout et ça. Et en plus, c'est que des trucs qui m'énervent en plus, quoi. Là, je me rends compte vraiment que, ouais, dans ma journée, je ne vois pas 1 milliard de trucs qui m'énervent dans une journée, et c'est mieux, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui. C'est pour ça qu'il est solaire. D'ailleurs, t'es solaire pour ça. C'est-à-dire que tu constates combien tu deviens une meilleure personne, c'est quoi. Ça. Ouais, bon, ça me rend homophobe, apparemment. Mais, c'est le petit truc négatif. Non, c'est pas grand-chose. Voilà. Avant, il y avait les woke sur les réseaux qui me maintenaient un peu. Mais maintenant, c'est fini, là. C'est le vrai Adri qui ressort. C'est pas beau à voir pour tout le monde. Ah, mais quand on s'appelle Adrien, on se fait appeler Adri, du coup? On se fait pas appeler Adri, mais on se fait appeler Adri. Enfin, les gens t'appellent Adri. J'ai compris, c'était juste une différence d'intonation. Mais... Non, c'est clair. J'ai compris. Non, c'est pas appeler Adri, mais on se fait appeler Adri. Et Géraldine, c'est quoi le surnom d'une Géraldine? Alors, figure-toi, je vais vous donner un scoop. Ouais. Mes parents, et seuls mes parents, m'appellent Gédine. Pour, oh, quelle raison, on ne sait pas. On dirait un petit perso de BD. Mais dire comme une Géraldine de poche. Oui, si c'est ça. Voulez. Non, ouais, on dirait une matière grasse, je trouve. Ah, une nouvelle matière grasse. Gédine, oui. Ouais, la margarine. Ouais, la Gédine. La Gédine. Oui, il ne faut pas manger ça, il y a un fort taux de Gédine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sinon, oui, GG. Le gros G. Oh non. Aussi. GG la Nakache, non? GG la Nakache. Didine, non. Didine. Didine, non, ça m'est jamais arrivé. Ou les lourds, ou les très lourds. Ouais, bah voilà. C'est le vrai Adri qui parle. Oh, et Vincent, c'est Vince, c'est obligatoirement la ricanerie. Ouais, un très bon copain, Gabriel, m'appelle Vince, mais sinon c'est le seul. Non, sinon on m'appelle. Vincent, en fait. Ouais. Ah non, il y a pas des masses, en fait. Personne n'a pris ton nom de famille en. Non, Aldi. Oui, il y a des gens qui doivent dire la Dud, la grosse Dud. La grosse Dud. La, ouais, de Diana. La bonne Dud. La bonne Dud. Toi, c'est Flo, donc. Ouais, oui, ouais, bah, rigole, hein, Flaubert. Il y a eu Flaubert aussi. Ah oui, Flaubert. Oui, ça a été beaucoup. Mais oui, Flo, moi j'aime bien. Flo, c'est bien, Flo. J'aime bien. Moi j'aime bien. Flo, c'est comment? C'est une chanson de Pierre Bachelet, Flo. Ah ouais, j'avais fait sur Florence. C'est bien, c'est le prénom que tu voulais. Putain, mais ouais. Bien, il est super. C'est un jukebox, vous mettez top, une pièce, là. C'est parti. Aujourd'hui, je suis top. C'est dommage que tu sois homophobe. Ouais. Je suis la seule ombre, j'ai perdu les points là-dessus, là. C'est vraiment dommage. La seule ombre au tableau, quoi. Ouais, c'est con. Parce qu'il n'y a pas des masses des beaux garçons qui connaissent cette chanson. Mais Vincent, je n'arrive pas à. Tu vois, je vois un peu la tête des Adrien, je vois un peu la tête des. Mais les Vincent, je trouve qu'il y a un grand delta. Entre toi et Vincent Lagaffe, par exemple, tu vois, il y a un éventail. Attends. On dirait la queue d'un pan, tu vois, il y a un éventail. Ah ouais, c'est vrai. T'as dit, je vois la tête d'Adrien, t'as dit. Non, mais tu sais, il y a des prénoms. Oui, non, mais je suis curieux de savoir ce que c'est, par ouais, contre. Ouais, Adrien Gallo. Adrien Méniel. Adrien Gallo. Adrien Gallo, c'est bien, Adrien. C'est qui, Adrien Gallo? Ouais. C'est l'ancien chanteur des Bébés Brunes. Ouais, non, Adrien Rabiot, le footballeur. Mais on n'a pas dit que la même tête. Ouais, vous êtes des sosies pour moi. Adrien Nacarambeu. Oui, c'est vrai. Adrien Brody. Adrien Brody, c'est pas là. Ouais. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire dans le Vincent, le prisme il est large. C'est ça, je connais des gens très raffinés que le Vincent et des purs beaufs, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'aurais du mal à le mettre. J'aimerais bien un jour faire une couve de, je sais pas quoi, de Technicart ou de j'en sais rien, de Télérama, des Inrocks, tous les Vincent. Mais oui, parce que, mais sans raison. Une multitude? Bah ouais, tu vois, ça ferait Vincent Lacoste, Vincent Pérez, Vincent Lindon, Vincent Maquet. Ouais, c'est très Dezania. Des gens, tu sais, différents, ouais. Tu vois. Je suis pas flic, moi, je suis magistrat. Ouais. C'est Vincent Lindon. Bah ouais, j'ai reconnu. Bah, non, c'est pas Dezania, c'est les mauvais. C'est Didier Hussain qui a besoin d'écrire derrière. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Vincent? Vincent Moscato. Je vous parle, vous voyez ce delta? J'adore, c'est un énorme delta, tu vois. Vincent Cassel. Bah ouais, c'est juste que c'est un prénom plus populaire, donc il y en a plus. Ouais, il est pourri aussi le prénom. Oh là, je l'adore ce prénom. Ouais, c'est un très beau prénom. Tu l'adores? J'ai compris tard que c'était un prénom courant. Je pensais que c'était hyper rare, moi. Mais ça va pas le boulard là. Non mais parce qu'il n'y en avait pas dans mon collège, dans mon lycée. Ah bon. Et donc il y en a eu plein. Ouais, ouais, je viens de le dire. Bah voilà. Et bah du coup, Vincent Pérez. Tu l'as pas dit ça. Non, c'est vrai. Eh, c'est de gros mon pote. J'ai tellement hâte de voir le nouveau Big Deal. Ça va exister. Il vient de tourner des nouveaux épisodes. Et alors du coup, updater là-dessus. Est-ce que vous, alors du coup, t'as pas vu, que penses-tu du nouveau look de Bill? Parce que Bill a changé un peu de look. Ah bon, il a maigri un petit peu. Ils ont un peu amaigri. Ils l'ont amaigri. Il est bleu ou violet? Il est bleu. Il a pas changé. Non, mais c'est surtout. Les looks ne sont pas tout pris. Attends. Il est encore bleu. Merci. Non, mais il est remodélisé, plus moderne, quoi. C'est ça, la 3D a changé, un petit peu plus un Pixar. Et il est censé être rigolo, c'est ça? Oui, Bill. Mais il est pas comme la marionnette de l'autre monsieur, j'ai oublié son nom, qui dit des vulgarités et tout. Ah non, Bill n'est pas vulgaire. Il a même plutôt tendance à calmer Vincent. Ouais. Ah, c'est Vincent le beauf. C'est plutôt. Non, tu vas pas dire ça. C'est plutôt Vincent le singe de Bill, tu vois. D'accord, ok, d'accord. Il fait très bien le singe, donc ça. Il fait très bien le singe. Il fait très très bien. Moi, j'ai lu son livre cet été à Vincent Lagaffe. Alors, on m'appelait Franck ou je m'appelais Franck. Oui, parce qu'il a une histoire. Oui. Il est adopté, non, c'est pas ça? Non, pas du tout. Elle a résumé le bouquin très bien. T'as dit quoi? Il s'appelle Vincent. C'est vrai qu'il a fait la première erreur dès le. Du coup, il n'y a pas besoin. Vous m'appelez Franck? Bah non, pas du tout. Ah oui, merde. Ah ouais. C'est parti à la pression. 24 là. Euros, cherche midi quand même. C'est parti à la pression là parce que j'ai mis le mauvais prénom. Ouais, j'ai mis Franck, je suis con, j'ai merdé. Parce que l'auteur, t'as pas mis Franck là. Mince. Ouais, ils vont rien comprendre les gens. Mais du coup, ils vont acheter, je pense. Ils vont être là. Oh. Ah, tout perdu. Et non, mais tu l'as lu. Pour... Donc je l'ai lu, j'ai adoré. Moi j'adore ce gars. J'adore Vincent Lagaffe. Avant de lire le livre, tu l'adores? Oui, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours trouvé que j'adore sa façon de faire son travail. Je sais pas comment dire. C'est comme Jean-Pierre Foucault, quoi. C'est-à-dire, on a craché sur la télé, sur les animateurs, sur leur vulgarité et tout ça, mais ils ont jamais rien fait de mal. La Zoubida, ouais. Ah oui, mais c'est vrai. Mais son histoire est incroyable. Mais c'est quoi son histoire? Bouleversant. Elle l'appelait Franck, manifestement. Oui. Ouais, bah il a été abandonné, oui, il a retrouvé sa mère. Il y a une histoire magnifique dans le livre avec un cheval qui il a été. Non, ça c'est Nagui ça. C'est Nagui ça. Mais t'inventes tout à la seconde là. Je suis en écriture automatique. Ah, c'est ChatGPT, il vient d'inventer un livre. Non, c'est vrai, il a eu une grande amitié avec un cheval. Cette amitié finit mal et franchement j'étais très ému. C'est super le livre. Ouais. Mais t'étais où en vacances? J'étais en Picardie. Club Med, clairement Club Med. Pas de mer. Clairement Club Med, et c'était le seul livre. Et là il revient avec le Big Deal. Quand je suis allé à la librairie et que j'ai acheté en même temps un livre d'Hervé Guibert, un Annie Ernaux, un Lagaffe et un. La libraire était. Mais la libraire était en fait. C'est des paquets cadeaux. Mais parce que c'est qui tu es. Regarde quand il a quand il a dit ce qui se passait pour toi en actualité en ce moment. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Un Lagaffe comme si ça me tue quoi. Vous rangez où les Lagaffes Le rayon Lagaffe s'il vous plaît. Vous me conseillez quel Lagaffe? Je pense que c'est ça qui vous l'adaptez pas la garce. La garce. Et j'ai pareil, on m'appelait Franck. Il y a une erreur. Tout le monde s'est emballé et tu dis bon, c'est pas grave. Bon, bah je vais le faire, apparemment ça a marché, mais bon, moi je voulais faire la gaffe. Et donc il parle de sa rencontre avec Bill ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, mais non. Il parle des années, les années le Big Deal, c'était la folie parce que c'était vraiment énormément d'argent, énormément de succès, de téléspectateurs, de pouvoir et de moyens. Le Big Deal, en fait, c'était comme un peu le juste prix, c'est ça? Ou pas du tout? Oui, mais c'était. Il y avait plus d'épreuves physiques. Il y avait plus d'épreuves physiques parce que Vincent Lagaffe, c'est fou. Voilà, c'est un fou d'activité physique. Merde, alors là, pensez des preuves, vous allez monter au sommet de cette tour de 24 mètres. Vous allez vous jeter, faut tomber dans la Twingo. Et on refait ça là cette année? Alors on le refait moins parce que c'est plus petit budget, c'est pas TF1, c'est pas. C'est où? C'est sur quelle chaîne? C'est sur RMC Story. Ah Story. Oui, Story. Sur Instagram quoi. Non, c'est la télé. Ah, on Story, l'émission en Story. C'est les stories de Vincent. On fait un Big Deal sur Insta. Ah oui, d'accord. C'est le truc qui m'a fait beaucoup rire dans la série culte. Ouais. Sur Love Story, le nombre de fois où il parle du Big Deal m'a tué quoi. De façon hyper sérieuse. Ah, c'est juste en face. Là, on est derrière le Big Deal, enfin. Hyper sérieux et tout. Alors, moi, mon moment préféré de culte, c'est l'apparition à la manière d'un Marvel quand il y a Spider-Man qui passe. T'as Charlie et Lulu pendant un plan. Ah oui, c'est vrai. Ils font deux. Où t'as le patron d'M6 qui dit merci Charlie et Lulu. Et je fais ah non, moi je veux la série sur Charlie et Lulu. Ah bah, malheureusement. Attends, ils font les To Be Three. Prime Vidéo, si vous m'écoutez, le biopic de Charlie et Lulu, attention. Attention, dans les starting blocks. On écrit. On est là. Mais ils sont où, Charlie et Lulu? Là, bah, ils arrivent dans 20 minutes. C'est vraiment une petite chronique. Vous savez que j'ai travaillé avec eux. Ah bon ? À un moment donné, ils ont présenté une émission sur Comédie. Et je produisais encore là-bas. Ah ouais. Et c'est les plus sympathiques de la planète. Ah bah ça, j'en veux pas. Ils dégagent ça. Mais attends, ils étaient chez McFly et Carlito il y a pas si longtemps. Ah bon ? Charlie, les deux ensemble ? Les deux. Ah peut-être pas. Je sais plus. Ouais, ça m'a pas marqué. C'est vrai qu'à Comédie, toi, t'as enchaîné. T'as fait. T'étais sur la grosse émission aussi. Ouais, c'est ça. La conception, c'est que c'est souvent notre référence quand on parle. Enfin, on trouve qu'il y a une liberté. Moi, je me remets souvent sur Canal. En plus, ils remettent tout maintenant. T'as les genre la grosse émission Story. Ouais, tu peux voir des. Ouais, on t'aperçoit parfois de loin avec un casque. Aïe. C'est juste tu bosses quoi. C'est vrai. Ouais, ça arrive. Et c'est toute une époque. C'est génial de voir ça. C'était génial. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait des qu'on pouvait revoir des trucs là. Et on le sent. On sent encore à combien ils étaient libres justement. Ouais, franchement, ouais. Oui, parce qu'ils se marrent. Je me demandais si ça avait pas daté un peu, tu vois, si on. Non, mais il y a des deux, trois, peut-être deux, trois. Ça dépend des animateurs. Ça change chaque année. Ouais, voilà, c'est une quotidienne. Et puis il a quotidienne en live tous les jours. Parfois, je me souviens de. Moi, j'ai un souvenir de CAD qui à 17h40 dit on n'a pas de sketch et puis il prend une une fausse barbe, il la met sur le front et il dit bon bah voilà un personnage hein. Et il part faire une interview avec une barbe sur le front et il dit ça suffit 18h et c'était souvent les meilleurs sketchs. Mais est-ce que t'as une nostalgie quand tu penses que t'as une nostalgie mais... de cette effervescence de création là, parce que maintenant dans ta vie j'imagine que tout quand tu dois créer quelque chose tout prend au minimum un an. Non, alors après, il y a le fait, c'est différent la télé, le cinéma, la télé, en plus en direct, c'était tu penses le matin, tu fabriques le midi, tu jettes à 19h10. Tu vois. Et ça peut te manquer parfois ou C'est vrai que c'était fou, ça peut manquer. En revanche, dans le cinéma, le côté maturation, quoi, ou maturage, je sais pas quel mot existe pour ça, il est nécessaire. Donc. C'est vrai qu'il y a moins de coups d'éclat comme ça. Mais l'époque le permettrait plus, je pense. Parce que, en fait, j'ai le replay déjà, en fait. Juste ça, c'est fou, en fait. Parce que là, à l'époque, c'était comme la radio. Des fois, ils ressortent des trucs de radio. Tu dis oui, mais les gens n'avaient pas conscience que ça allait ressortir, je pense, 30 ans après. C'était, comment on appelle ça, jetable. Oui, ça disparaissait, quoi. Ouais, mais moi, pour voir Comédie, il fallait que j'aille à Comédie. Il fallait que j'aille dans la salle voir l'émission. Sinon, je n'avais pas Comédie. C'était mon fantasme, quand j'étais ado, la rue Pierre Demours. Je me dis, j'aimerais trop. Et après. Quand j'ai été à la fac, ils l'avaient tout simplement détruite. Enfin, c'était devenu un. Ouais. C'est plus un théâtre. Non, c'est plus c'est un théâtre. Autre chose. Ouais. Non, c'était des belles années. Ouais, c'est chouette. Un Jules. Probablement. Un Brésilien avait touché 32 millions d'euros. Ouais. Il est aujourd'hui décédé. Je sais que t'aimes pas ça, Géraldine. J'aime pas, donc j'arrête de jouer. Oh là là, encore une excuse, c'est bizarre. Que lui est-il arrivé ? Bah, il est mort. Oui, non mais d'accord, mais beaucoup comment. Attends, redis, quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il avait touché 32 millions d'euros et il est décédé aujourd'hui. Et c'est lié à ces 32 millions d'euros. Est-ce que c'est lié à ce qu'il a acheté avec ces 32 millions d'euros qu'il... Ah, un fusil à pompe. Alors, donc t'es allé dans le dark très vite pour quelqu'un qui aime pas vraiment. Il a tiré mal dans le buffet. Elle aime pas parce que justement elle va très vite dans le très dark. Bah, comme ça, on en finit. Alors, d'une certaine manière, c'est un truc qui s'est payé. C'est à cause d'un truc qui s'est payé. Il s'est payé une piscine, genre à débordement, qui a débordé trop, qui l'a noyé. Il a débordé avec un truc lui. Comme ça. Oh, je déborde. Alors, c'est pas un objet, mais non, effectivement, c'est lié. Un animal, il a acheté. Pas un animal. Sauvage, non. Ah non, non, ah, un ours, c'est. Ouais. Il a fait rien déjà, non. Pas un animal, une machine. Alors, c'est pas un objet. Il a acheté un virus. Non. Ça existe encore, la lèpre. Comment ça sent ça? Oh là! Pour 32 millions d'euros. La peste noire. Comment ça sent? C'est mort. Je suis décédé. Ça sera drôle. Ah, oui. Et c'est un truc qui coûte très très cher? Pas tant, hélas. Oui, hélas, pas tant. C'est pas un objet, c'est pas un objet. C'est un truc à boire, il s'est acheté des trucs pour aller voir le Titanic là, le C'est pas ça. Attends, non, c'est pas ça. C'est pas un objet, c'est-à-dire que c'est pas tangible. Non, c'est pas un ça se touche pas. Ça ne se touche pas. C'est un gaz. Pas un gaz. Des actions. Pas des actions. Des bitcoins. C'est un service, voilà, je peux vous dire. Un service que tu payes. Ah, ouais. il pensait prendre une escorte et en fait c'était un tueur à gages qui l'a assassiné. Ouais, ça arrive tous les jours. J'ai cliqué sur le bouton. Ouais, ça arrive très souvent ça. Faut faire attention à comment t'écris le truc. Non, c'est pas ça. Un service. Et c'est ce service qui l'a tué. Un service de blanchisserie, de blanchisserie, mais de cuisine. Quelque chose qui blanchit. Il s'est payé un chef. Blanchiment d'argent. Non, pas la coke. Blanchiment d'argent. C'est quoi quelque chose qui blanchit? Voilà, ouais, ça m'agace. Ça va vous énerver. Mais non, on va trouver. Pas du maquillage. Femme de ménage. Pas une femme de ménage. Une voiture. Détartrage. Du détartrage. Arrête tes bêtises. Très bonne nouvelle. Très bonne. C'est bien. De Géraldine Nakache. Ah bon, un détartrage? Bah pas que. Il a voulu refaire ses dents, les blanchir. Ouais. Il est mort pendant l'opération, hélas. Mais c'est nul. Ouais, t'es devenu une véritable star, le septuagénaire. Alors il était pas tout jeune. Ah oui, bah il est mort. Oui, voilà. Il a remporté le 9 novembre dernier l'un des 10 plus gros jackpots de la loterie brésilienne. Le joueur a touché pas moins de 250 millions de réaux brésiliens, soit l'équivalent de 32 millions d'euros. Problème, cet homme de 73 ans, original de la ville de Kouyaba n'a pas pu profiter aussi longtemps qu'il le souhaitait de ses gains. Effectivement, il est mort en pleine intervention chirurgicale alors qu'il se faisait refaire les dents. Au bout de l'opération, le légionnaire a été victime d'un malaise cardiaque. Une enquête a été ouverte. Et oui, il souffrait de diabète et d'hypertension. En conséquence, une semaine avant son opération, Antonio Lopez avait entamé un traitement. Et il avait des enfants ou pas? Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Imagine, c'est toi. Et là. Non, mais. Parce qu'il gagne, il gagne 27 millions et juste après il meurt. Ouais. Bah, il y a un bon timing pour les enfants, quoi. Ouais, on espère que ça a été à des gens, ouais, sympa. Ouais. Vous feriez quoi, vous, si vous gagnez autant au loto? Oh, ouais. Ah, c'est toujours la petite question, mais on aime bien. Moi, je joue, hein, déjà. Là, j'ai envie de jouer, tu vois. Je joue, moi, déjà. Tu joues au loto? Au loto, j'ai l'application sur mon. Et quoi? À quelle fréquence? Parce que ma mère, c'est. Ah oui, quand même, parce que ma mère, c'était genre que les grosses cagnottes. Je sais pas pourquoi. Ah, oui. Elle disait que si c'est genre 100 millions. 100 milliards. Ouais, voilà. Ah, ouais. Oui, mais c'est aucun intérêt. L'optimisme, l'optimisme. Ça, c'est marrant. Ah. Non, quoi, tu joues toutes les semaines? Non, pas toutes les semaines, mais quand j'y pense, je joue, ouais. Tu grattes aussi? Ah non, mais par contre, je tourne une roue, parce que je suis un fou de roue. Oh. Tourner les roues et tout, foudroupe. J'adore. Ouais. Quoi, quelle roue? Vincent Foudrou. Alors, bah genre la roue, j'aimerais trop avoir une roue, c'est moi que je peux tourner. Mais la roue, le clic, le truc là, ça, la, ah, le... ça s'achète, ça, vraiment, ça. Bah oui, ouais, hein, mais c'est très stone d'en arriver là. Hein. Ah, si ouais, j'avais 100% de voyage en solo, peut-être je le ferais. Mais... Quand t'avais, les... quand t'avais les missions du millionnaire, il tournait une roue. Ouais. Tu réveillais de Yad, ah bah évidemment, évidemment. De Yaller. Oui. Donc on t'a proposé le maillon faible, t'as fait. Ah, on m'a pas proposé le maillon faible, j'ai. Ah oui, c'est imposé, il s'est imposé. J'ai supplié qu'on le fasse. Plus triste que la roue. Ouais. Bien sûr que oui. Est-ce que t'as été jusqu'à. Est-ce que t'as été jusqu'à faire le transfert de chaîne? Genre, parce qu'à la base c'était sur TF1, c'est sur M6. Est-ce que c'est toi qui as dit non, il faut le faire quoi qu'il arrive et ça finit sur M6 ou M6 avait déjà les droits? Non, personne n'avait les droits parce que c'était à la BBC. Donc d'accord, c'était, okay. On pouvait aller sur la chaîne qu'on voulait. D'accord. Et je crois qu'on est allé là où on nous a donné le plus de sous pour fabriquer. Pour et tu vas refaire? Non, je vais jamais refaire. Pourquoi? Parce qu'une fois c'est bien. One Opportunity, Eminem. Tu vas présenter qui veut gagner des millions? Non, mais la roue de la fortune, faut qu'il fasse, il adore la roue. Tu vas présenter la roue de la fortune? Non, j'avais plus rien présenté. Non, moi c'était que le maillon faible, ma passion. Mais parce que dans les roues, il n'y a pas de roues. Moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé, en fait, je trouvais ça vachement bien, parce qu'en plus, c'est une sorte de roast aussi. Moi, c'est vrai que c'est le fantasme depuis des années de faire des roasts. C'est pas compris. Alors, les roasts, en fait, c'est des. Mais non, mais tu vas voir, c'est exactement pas. Un peu ce que tu as fait. C'est pas fou de roast, il est fou de roue. Oui, ah oui, j'ai compris. Ouais, il est en VF. Les roasts, ça m'évoque des galettes de pommes de terre pour l'instant. C'est assez éloigné, c'est assez éloigné. Non, les roasts, c'est des célébrités qui viennent et qui se font en gros insulter en boîte, pendant une heure, boîte, voilà, c'est ça, et qui se font vanner pendant une heure. Et donc du coup, c'est un peu ce que t'as fait. Ah ouais. Sauf que eux, c'est vraiment des vannes en plus sur la carrière, les mauvais choix de vie. Ah oui, non, non, comme là, ça. C'est affreux, c'est très drôle. C'est affreux. C'est aussi affreux que c'est hier. En France, on fait pas ça. Moi, je le fais sur internet avec McFly et Carlito. Ah oui, bien sûr. Mais les Américains, ils l'ont fait avec. Pourquoi tu nous invites pas? Oh, bah, parce que c'est pas moi, McFly et Carlito. Moi, je suis juste auteur. Ah, tu le fais, tu veux dire, tu l'écris? Je suis auteur dessus. Mais donc, ça veut dire que tout est écrit? Ah bah oui. Mais même les invités. Ah, les invités écrivent avec moi après. Ah voilà, oui, d'accord. Mais j'écris 90% des trucs. Tu te marres à fond, non? C'est génial, je peux insulter des gens connus avec des blagues. Et en vrai, j'adore ça. C'est hyper honnête. Comment ça se fait qu'on adore? Descendez de votre piédestal un peu. C'est une sorte de. On est un peu des. Comment on appelle Peter. Pas Peter Pan, Robin des Bois, quoi. C'est un petit peu. Est-ce que t'as quand même sûrement un fond d'aigreur? Mais là, ce qui est bien avec la qualité, c'est que c'est des gens. Non, mais il y a le consentement des gens. C'est ça, ils sont d'accord, quoi. Oui, oui, exactement. C'est comme faire boxer avec quelqu'un qui est d'accord pour se faire taper, quoi. C'est la différence entre la boxe et tabasser un gars dans la rue. Exactement. Ouais, voilà. Moi, je fais les deux, mais. Oui, oui. Depuis que t'es solaire. Depuis qu'il est solaire, Depuis que t'es solaire, plus l'un que l'autre. Non, moins, c'est vrai. Donc, alors, oui. Qu'est-ce qu'on ferait avec alors, donc, le jackpot? Une énorme roue pour Vincent. Non, mais ton amour des jeux, tu sais que moi je le comprends. Moi je rêve de participer. Et en même temps, pas vraiment parce que je veux pas passer à la télé. Mais j'adore le concept d'une famille en or. Ouais. De trouver ce que les pourcentages font le c'est plus. C'est trop bien comme j'adore. Bah, c'est ton émission, c'est ce qu'on est en train de faire là. Moi, non, pas vraiment. Non, un mais. Peu. Bah, le truc de Google, c'est un peu ça. Pour moi. Non, mais attends, si, elle a raison. Le truc de Google. Non, arrête, on fait la même chose depuis deux ans. Le truc de Google, c'était un peu ça, t'as raison. C'était un peu ça, le truc de Google. C'est des recherches. Mais tu vois, et pourquoi tu fais pas une famille en or? Mais parce qu'il faut passer à la télé, j'aime pas. Oh, mais c'est pas grave. Pourquoi t'aimes pas? Je n'aime pas me voir. Déjà, m'entendre, c'est compliqué, donc j'aime pas me voir à l'image. Oh là là. T'es pas obligé de regarder. Mais ben, j'ai ma pudeur. Mais non, mais alors. T'es beaucoup trop loin. Comment t'as fait? Le gros bébé dans sa couche. Essuyez-moi. Tu fais caca. Non, ça me fait toucher. Non, mais parce que moi j'ai ça aussi quand tu pars des soirées. C'est-à-dire que quand je pars des soirées, je me refais la soirée en disant oula. J'ai été pas drôle, j'ai été relou, mais j'ai été atroce. Je vous adore. Et machin. Et donc du coup, mais c'est affreux, non. Et du coup, une émission télé, je me ferais que ça. Je me dirais non, j'ai été nul. Là, c'est pour ça que je monte les podcasts, je les réécoute en entier. Parce que j'ai besoin de vérifier. Tu sais, et là je vais parler à Géraldine. C'est pour ça qu'il faut faire du théâtre. C'est pour ça que Géraldine devrait et que ça, c'est mon combat de vie. J'ai eu notre agent au téléphone et elle a dit ouais, tu vas vraiment tout faire pour qu'elle en fasse. J'ai dit oui, c'est mon. Non. Mais parce que le théâtre, c'est l'inverse de la frustration qu'on peut avoir quand on fait ça, le cinéma, machin. Ah, parce que tu te refais le film, tu fais putain, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire. Et tu dis, le théâtre, t'as toujours la possibilité de t'améliorer et de recommencer mieux. Oui, mais à la fin de la pièce, je dirais, ah, ça, j'ai merdé et je me détesterais un peu. C'est vraiment maladif. Ah oui, mais je pense. Non, mais tu dis ça, mais après, tu vas faire des vidéos avec McFly et Carlito ou. Bah oui, c'est bizarre. Oui, mais après, je dis. Bah oui, mais fais une famille en or, c'est. Non, mais en plus. Allez, on le fait ensemble. Le public de la famille en or, ils sont plus sympas que le public de McFly et Carlito. C'est possible. Écoute, je ne sais pas. Mais faisons la famille en or ensemble. Finalement, on a quand même été beaucoup chez vous. Et d'ailleurs, je vous remercie. C'est vrai. Ça ressemble à une famille. Ça ressemble à une famille. Appelons Camille Combat et faisons une famille en or. Bah écoute, pourquoi pas. Mais sinon, ça doit exister en jeu de société. Oui, ça existe. Oui, je l'ai. Ils ont fait faire une soirée à la maison. Allez, allez, quoi. Géraldine, c'est l'inverse. Elle veut être jouée à la télé. Ouais, j'ai vu à la télé sans jouer. Faut qu'il y ait des caméras. Oui, bah, je veux dire des trucs comme ça. Oui, bah, effectivement, c'est sûr qu'en ce moment. En plus, c'est tout ce que tu détestes. Effectivement, bon, c'est sûr qu'en ce moment. C'est bien la voix là. C'est pas mal. Faut qu'on refasse un épisode où t'amènes une famille en or et c'est juste on joue au jeu à une famille en or. Okay. Allez, le numéro que vous avez demandé est plus accessible actuellement. Non, mais c'est comme là, entre chaque manche, on parle. Eh oui. Attends, allez. Une famille en or sur plaquette là, sur le tableau. Sur plaquette, ouais. C'est ça, elle a même pas le lexique. Comment on dit? Sur on lance le cube là? C'est un dé, Géraldine. Oh, le cube avec les chiffres. Comment on dit quand c'est sur. Plateau. Un plateau. On dit sur plateau, c'est pareil. Ça, on se fait chier la mort, c'est sûr. Là, je pose les fascicules. Oui. Et 15 cartes. Ouais, parce qu'à la télé, on se fait pas chier. Mais vous savez quoi? Quand je suis venue la dernière fois avec toi. Le jeu. Vous nous avez fait un jeu où on devait chanter avec un air les paroles. Ouais. Et ben, genre, je suis dans une boutique à Paris, rue de Rivoli. Et il y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule très délicatement et qui me dit bonjour, c'est moi le créateur de ce génial. Jeu. Et j'en ai dans mon sac à dos, je peux vous en offrir un. Et du coup, depuis, j'allais dire je joue avec pas. Ma fille. Non, mais ma fille joue avec ses copines. Ah, génial. Ouais. Attends, c'est lui, hyper bien. Belle histoire. C'est Noël, comme... je vous rappelle. Ça, c'est Noël. Ah, ouais, je rappelle, c'est Noël. Comme ça qu'il m'avait donné le jeu, le mec. Aussi. Je l'avais croisé dans une boutique et il m'avait dit ah, j'ai ah, un jeu. Ah, mais c'est un serial killer en fait. Finalement, peut-être qu'il suit les gens. Oui, d'accord, c'est un serial killer. Attends, il y a un mec qui m'a couru après avec un sac à dos. Je me suis pas. Mais comment il s'appelait ce jeu? Il avait un nom de. Le jeu du Henri. Non, j'aurais dit Charles. Henri, mais Henri. Je crois. Non, ou Charles, peut-être Charles. Je sais plus. Charles Aznavour. C'est ça, c'est Charles. Je crois que c'est Charles. Peut-être t'as un Raïm alors du coup. Moi j'ai croisé moi Red Akateb là en venant. Ah voilà. Mais non, je suis pas dans la conversation. Mais comment t'expliques que ça nous fait quelque chose ça? Comment t'expliques quoi, que ça nous mais fait quelque pas chose? Mais quoi, ça va pas ou quoi? Ça nous fait tout le temps quelque chose. C'est fou. Moi, ma salle de sport, il y a Lambert Wilson. Oh là là, c'est Max. Monsieur Duverrier. Bah, Monsieur Duverrier. Ah, voilà, tu vois, finalement. Monsieur Duverrier. Et à chaque fois, je me dis, et quand il court à côté de moi, je sais pas pourquoi, je dis, ah, faut que je cours au moins autant que lui. Bah ça oui. Ça n'a aucun sens, mais bah, parce qu'il je suis impressionné. Ah oui, mais il est d'un niveau de stock. Ah bah oui, je pense. Tu as parlé à. Oui, j'ai raccroché, j'ai dit à ma copine, j'ai un croisé Reda Kateb. J'ai raccroché. Reda. Devant lui, t'as dit Reda Kateb. Ouais. Ouais, c'est super. Mais j'étais trop content. Moi aussi, j'adore croiser des gens. Et donc là, il a fait sa première semaine au théâtre. Ça faisait 17 ans qu'il n'était pas monté sur scène. Il joue par les villages de Peter Handke. Ouais. Ouais. Tu vois. Et il m'a. Donc tu vas aller le voir. Ouais, mais t'as fait du théâtre pourtant, Géraldine. Ça a duré un mois. Au moment où je me disais, ça y est, j'ai plus la lèvre qui colle sur les dents. Bah ça y est, c'était fini. On arrêtait la pièce. Ah, c'était affreux. Sur une affiche, Géraldine Nakache ce soir au théâtre de je sais pas quoi. Franchement, on est trop contents, non? Moi, j'y vais. Non, c'est non, sûr. Non, mais non. Non, mais si, bien venez à la maison. Évidemment, venez faut à la faire maison. Ce plaisir aux gens. Oui, mais qui viennent à la maison. Jeu de société sur scène. Non. C'est scandaleux la peur que ça provoque. À ton anniversaire, moi, ça a été un des moments le plus angoissant de ma vie parce qu'il y avait Alain Chabat et Freddy Gladieux se fout encore de ma gueule parce qu'apparemment, j'étais vraiment dès qu'il était à moins de 10 mètres de moi, je faisais. Alors je vais faire le off de ça parce qu'à mon anniversaire il y avait mon neveu, c'est-à-dire le fils de mon frère, qui dès qu'il était à moins de 10 mètres de toi faisait ah attends, il y a Flaubert là. On a réussi à se dire bonjour parce qu'il y avait ton frère. Et je te remercie. Alors qu'Alain Chabat j'ai fait. En plus il clope, enfin il est très c'est Alain Chabat, mais en plus le charisme de la soirée, il a une clope, il a toujours le sourire, il a beaucoup de charme. Ah ouais. J'étais très impressionné. Freddy Gladieux n'avait rien à foutre, monsieur est déconnecté du monde des stars, ça ne lui fait rien. Ouais, il fait semblant. Il est dans sa bulle. Et avec ses IA là, regardez-le. Tu me regardes, si je dis pas rien, moi, je t'ai pas invité. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi, toi, avec 32 millions, Adrien? Moi, je m'achète une baraque à la campagne, quoi. Une bonne baraque. T'investis dans la pierre, toi, tu te fais pas des folies. Oui, des baraques. Ou il y a une région, un pays en. Bah si, en vrai, je m'en achète peut-être pas qu'une si j'ai 27 millions, mais... Et pourquoi en avoir genre... plusieurs? Ouais, non, je suis de droite, c'est ça si j'ai, non, j'ai non, t'inquiète non. Non, non. Mais non, plusieurs, même pas forcément pour nous. C'est ça, c'est ça. Les parents, les gens... Oui, mais ils sont morts, elle est décédée, Non, mais les deux sont décédés. Ah, j'aime pas. Mais c'est des économies que je fais. Je vais m'en aller. Parce que quand t'es riche, tu dis, ouais, j'ai acheté une maison à mes parents. Moi, j'ai pas besoin. Arrête, tout pour moi. J'aime pas ces blagues. J'aime pas du tout. C'est pas une blague, c'est la vérité. Non, mais j'aime pas. Oui, j'ai le droit quand même. Non. Bon, pardon, ça te met mal à l'aise, j'arrête. Ils sont morts et enterrés. Alors, non, je plaisante. Ils sont incinérés. Donc, tu dis des petites baraques. Tu sécurises, t'as un mec qui sécurise. Non, en vrai, je m'achète une baraque pour vivre dedans. Bien sûr. Ouais. Et peut-être une baraque, peut-être dans l'Hérault. Oh, l'Hérault. Dans les montagnes, dans l'Hérault. Ah, bah ouais. Parce que c'est assez sauvage, il fait beau. Ouais, ça, et c'est montagneux. Je comprends. Ouais. J'ai passé beaucoup d'été là-bas parce que mes grands-parents avaient une maison là-bas. Morts aussi, rassure-moi, tous. Non. Ah, quand même, tu vois. Oh bon, décevant. Ma seule grand-mère qui me reste, c'est celle qui vit d'ailleurs toujours dans les roues. Incroyable. Ah bah voilà, incroyable. Bah voilà. Vincent, toi tu fais quoi avec autant d'argent à part la grosse roue? C'est je sais pas toi. La grosse roue. Plein de maisons pour mettre toutes mes grosses roues. Je vais mettre une roue sur la tour Eiffel. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, j'achète. C'est pas, dur. Alors j'ai une question différente. Je propose, j'en propose un bon paquet à Meryl Streep pour dîner avec moi. Ah, ouais. Je croyais que t'allais dire une asso, pas mal. Non, non, c'est vrai. Moi j'allais le dire justement. J'en donne quand même, je pense aussi. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, on n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas dégueulasse. On n'est pas dégueulasse. Attends, héros. Et ça fait pas rêver les gens de dire je donne à une asso. Non, puis les gens ils diraient bien sûr. Et pourquoi celle-là et pas l'autre? Encore une histoire de décès et après j'arrête. Ah, tu dis du merde. Attends, c'est Noël. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça? Les jeux et les morts. Non, tu vas voir, c'est plutôt une belle histoire. Les jeux, les morts et les films de Hulk. Non, mais après, qu'est-ce que je m'emmerde? Y'a rien. Mais tu lui donneras la graffeuse quand même. Pour la... Parce que là. C'est quoi? Et bah, tu sais quoi? Je le mets de côté. Merci je bien. Oh non, je le fais pas. Quel événement survenu le 1er août 2018 a inspiré un artiste qui expose au 78 à Temple diverses œuvres inspirées du dit événement? Eh bah, wow. La Coupe du Monde, le foot. Pas la Coupe du Monde. Attends, redis l'année? Oui. La date, c'est le 1er août 2018. Alors, donc, c'est vraiment une date très précise. Et bah, c'est parce que j'avais eu le bac avec mention. Et que je pense en 2018? Que... Absolument. Ah, il tu l'as passé en 2018. Avec toutes tes copies de bac. Ouais. Non, c'est vrai, tu l'as passé en 2018. Non, ouais, arrêtez d'être sidéré par mon vieil âge. Mais non. Non, au contraire, 2018, t'as pas eu le bac en 2018. Pas en 98, Géraldine. 2018. Ah oui, alors. Non, non, oui. C'est affreux d'être aussi bête. Ouais, parce que là, je me suis dit, j'ai pas 20 ans de plus que toi, quoi. Non mais je me suis dit tu l'avais peut-être repassé. Mais tu te rends compte parce que ça, là on fait genre machin, tu t'es dit ce que tu veux. Ouais. Mais la vérité de tout ça, ouais, c'est que je suis débile mental. T'as pas entendu. Oui, non, je vais vous expliquer. Non, t'as pas entendu. Non, il y a une entente. Les chiffres et la géographie. Ça t'énerve. Tu paniques, tu fermes les écoutilles. Mais quoi? Pas. Mais je deviens débile. Non, c'est 2018. Eh oui, Zidane. Zidane et le baccalauréat avec mention. Ah voilà. Zidane. On l'a eu la même année. Numéro 2 au foot. En 98, t'as eu ton bac? Ouais. Super. Pas avec mention. Donc en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En 2018, attends, j'ai pas de repère. C'était quand 2018? Bah, 2018, deux ans avant le Covid. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un événement genre on a tous entendu parler. Oui, je pense. Ah, tu penses? C'est pas un truc sportif? Énorme. Pas sportif. Non, c'est pas énorme. Ça a fait le buzz. Culturel d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Je peux vous donner un Internet. Énorme indice. Un rapport avec ça a Internet. Beaucoup pris sur Internet, mais ça vient pas d'Internet. Enfin, ça a commencé sur Internet. La mort de Marion Cotillard. Pas la mort de Marion Cotillard dans Batman. Ah, dans Batman. Ouais. Non, là vraiment. J'étais pas vraiment pas mais bon, un truc comme ça de film. Pas un truc de film, non. Un truc lié à la chanson plutôt. Oh, non. C'est pas Shine qui se casse la gueule. Non, merci. Oh là là, mais en même temps. Lié à la chanson, moment. Donc un moment live. Quel moment pour la France. C'est un artiste français. Ce sont deux artistes français. Ok, et c'était en live? C'est... Pendant une prestation, non, je veux dire. Pendant une prestation. Non, l'artiste qui expose. Ah, pardon, oui. Ah. Et ça concerne deux artistes français, du coup, je t'ai aidé. Ah, ok. Donc deux artistes musicaux français? Exactement. Qui, c'est Lafouine et Patrick Bruel qui ont fait un duo. Non, Mot d'enfant, bien sûr. Ah, ah la baston des deux rappeurs, là. Ah, Booba oui, et Caris, les penses de Vincent de Dienne, exactement. Ouais. La bagarre Caris-Booba, le 1er août 2018, un affrontement éclaté dans une salle d'embarquement de l'aéroport d'Orly. provoquant l'arrestation de 14 personnes, dont Booba et Carrie. 6 ans plus tard, la rixe entre les deux rappeurs refait surface. Alors, c'est pas une suite judiciaire, il faut savoir que tout le monde, enfin, eux deux ont été condamnés à 18 mois de prison et 50 000 euros d'amende, avec sursis bien sûr. Okay. Mais là, c'est une expo, celle de Guillaume Cagnard, artiste français d'une trentaine d'années, baptisée La Bataille d'Orly. Elle retrace cette rixe survenue sur fond de guerre fratricide, parce que c'est vrai qu'ils ont commencé avec des feats, Carrie et Booba. Mais c'est quoi, c'est des peintures? Bah, c'est des sculptures et des peintures, ouais. Par des peintures en aérosol et des sculptures en bronze. L'artiste revient ainsi sur les temps forts de leur opposition. Sachant que Guillaume Cagnard est familier de l'œuvre de Booba. Toi, tu détestes? Moi, je dis non. D'accord, très bien. C'est pas loin, c'est à temps. Pas besoin. Pour faire un saut, là. Pas besoin. Parce qu'il réalise des clips pour Booba également. Il a fait le clip Petite Fille. Et ensuite, il a suivi le rappeur à Miami. Et il s'est dit, ah, tiens, j'ai envie de raconter cette histoire via des œuvres artistiques. Mais pourquoi pas, des œuvres artistiques sur des bagarres, franchement, on va glorifier la violence, on a besoin, alors que Autoportrait à l'oreille coupée de Vincent, encore un autre Vincent, c'était très doux finalement. C'était le début d'un suicide. Trancher l'oreille, voilà, c'était agréable comme tout. Non, mais il l'a fait avec douceur, c'était jaune comme ça, il a mis un petit glaçon avant, c'était solaire, justement. Exactement. Tu parlais de la chute de Scheim. Est-ce qu'il y a un événement pop comme ça qui vous a marqué, vous, dans la vie? Le malaise d'Alain Gilles-Pétré. Mais moi aussi. Mais il est sorti direct. Bien sûr. Ça m'a... Parce qu'en fait, je sais plus, dans un autre épisode, t'as posé une question, un truc télé qui nous a marqué. Je voulais dire ça. Puis je pense que t'as oublié de me demander, du coup, on est passé à autre chose. On était pressé par les têtes. Moi, j'avais vraiment ça en tête. Tu te souviens de comment il a dit? Je ne peux plus. C'était horrible. C'était affreux. Il y a souvent des malaises. Il y avait aussi le gars de C'est à vous, là. C'était hilarant, d'ailleurs. Patrick Cohen. Il fait un malaise. Il fait un malaise. Et il y a Michel Simès dans la salle. Donc, il y a vraiment un happening pour que Michel Simès dise « Je suis vraiment docteur !» Laissez-moi, je suis médecin. C'est hilarant, il va bien. Tout va bien. Mais vraiment, tu vois, Michel Simès, vraiment, devenir le docteur qu'il est à la base. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir, parce qu'on en a marre qu'il soit autre chose que médecin. Qu'il fasse des mots croisés maintenant. Il est couverture des mots croisés. Ah oui, systématiquement. Moi, j'ai vécu un truc, mais qui n'a pas été live à la télé. On parlait de Charlie Hebdo tout à l'heure. Je travaillais déjà à la télé et je voulais absolument aller au Hit Machine. Et du coup, j'avais été au Hit Machine. Je crois que j'avais dû bosser avec eux aussi entre temps. Et j'avais été au Hit Machine où il y avait des concerts comme ça, des prestations d'artistes live. Et souvent, il y avait c'était un classement, donc il y avait souvent des vedettes du moment. Et il y avait Christina Aguilera, donc j'étais venue ce jour-là. Ouais. Et elle est venue sur scène. La scène était vraiment très en hauteur et nous, on était comme dans une fosse. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'elle avait un chewing-gum. Et avant de lancer sa prestation, elle a jeté son chewing-gum dans la fosse sur les gens, sur nous. Et je me souviens que ça m'a sidéré. Ah, c'est quelque chose. Et sans ni pardon, on y restait là, elle l'a jeté sur les gens. Ah oui. Ouais. Il y en a peut-être un qui était content. Peut-être qu'il y en a un qui était content. Oui, peut-être. Ouais. Si quelqu'un l'a gardé, il a fait peut-être. Peut-être. Un petit t'as raison, t'as raison. C'est ça. Il a sa maison, sa grande roue. M'avait dégoûté. Il a sa grande roue. Ouais. M'avait écœuré. Dégueulasse. Ouais. Une archive du 8 parce que Paris une belle connasse. Après non, COVID, en plus elle chantait You are beautiful. Avec un chewing gum dans les cheveux, je suis beautiful là. Devoir me couper tous les tifs là à cause de ta gueule. Christina, merde. Affreux. Il y avait une archive de Hit Machine qui me faisait beaucoup rire aussi, c'était Eminem qui essaye de dire des mots en français, donc il dit des gros mots, il fait juste suce ma boule, suce ma boule. Et t'as vraiment Lulu qui fait non non monsieur, non c'est Charlie qui dit non non on va rien sucer du tout. On va rien sucer. Il essaye. C'est pire du coup parce que ça. C'est... Non monsieur. Suce ma boule. Non, monsieur Eminem. Monsieur Eminem. Monsieur Eminem. Non, on n'est pas là pour. Non, attendez. Il y a Lara Fabian dans 5 minutes, on n'est pas dans cette ambiance. S'il vous plaît. Ah ben Lara Fabian. Lara Fabian, il y a quand même des grands moments de télé de Lara Fabian. Bien sûr. Et moi, j'avais trop de peine. Les Guignols m'avaient fait trop de peine avec Lara Fabian. Elle me faisait peur, moi, la marionnette. Bah oui, je peux dire un truc. Wow, j'ai l'impression vraiment d'être Pierre Tchernia, par contre. Là, c'est affreux. Ah ouais, j'adore. T'as bossé sur les Guignols? J'ai travaillé sur les Guignols et j'ai bossé. J'ai été là la première fois qu'on a sorti la marionnette de Lara Fabian qui coûtait 20 000 francs de plus que toutes les marionnettes. Les autres coûtaient 50 000 francs. Elle avait un mécanisme et la langue qui sortait aussi. Elle avait les yeux qui s'exorbitaient et la langue qui sortait. Et donc, on sort la marionnette pour une fiction qui était réalisée par Éric Lartigot, le réalisateur de La Famille Bélier. Bien sûr. Et c'était pour une petite fiction, là, les petits marronniers, là, pas pour le JT. Et ça avait été un bordel parce qu'en fait, dans la marionnette, il y avait un seul gars. Là, il en fallait deux. Donc du coup, c'était un bordel parce qu'il fallait un petit et un plus grand. Qui se contorsionnait à l'intérieur pour la faire. Et ça a été affreux, cette journée de tournage avec cette marionnette. Affreux. Ils se sont dit, c'est un peu un bouffre. Et surtout, avant de sortir la marionnette, on m'a demandé, moi, de compiler toutes les images mémorables de Lara Fabian. Okay. Donc j'ai fait ce fameux dérush. À l'époque, à Canal+, on me demandait d'aller au zapping. Vous vous souvenez de cette émission? Ouais, on disait, voilà, tu vas dans la banque des zappings et tu leur demandes toutes les images phares de Lara Fabian. Et je me suis aperçue d'un truc quand j'ai dérushé, parce que j'ai dû faire le montage, c'est que dans chaque pays où elle se rendait, elle prenait l'accent du pays. Oh, ah, génial. Ça, j'aime bien. Ça, c'était incroyable. C'est-à-dire que vraiment, en Belgique, limite, elle disait une fois. Là-bas, au Canada, c'est Céline Dion. Et puis, partout où elle va, elle parle dans sa langue avec l'accent du pays. Professionnel. Incroyable. C'était incroyable. Et je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Moi non plus. J'aimerais bien. Un jour, en promo en Belgique, comme ça, j'arrive et on me dit vous avez peut-être croisé Lara Fabian. J'étais sans dessus-dessous. Et alors Non, elle était partie. Quel dommage. Mais moi, les guignols, il y en avait qui me faisaient. Moi, c'est aussi une fois, ils avaient. Je sais plus si c'était Gainsbourg ou Hallyday, mais ils les avaient fait rencontrer en vrai. Et déjà, l'image est flippante un peu. Ouais. D'avoir attends, rencontrer quoi la marionnette. Ah bon, c'est arrivé ça. Ouais, et genre, je crois que c'est Johnny qui a un sécateur et qui coupe le nez de la marionnette. Ah, j'aime pas du tout. Et l'image est horrible. Oui, c'est horrible. Parce qu'il trouvait que le pif était trop. Non, mais même, ils avaient filé un sécateur, donc c'était pour la blague. Ils avaient prévu qu'il le fasse. Il avait dit en interview j'ai un gros pif ou je sais pas quoi. J'ai chez mes parents des images de moi qui attend sur des marionnettes qui sont affalées sur une table comme ça. Et j'attends. Ouais, je la demande à mes parents et elle est un peu anxiogène la photo. Parce que je suis sur Baladur en plus. Mais confortable. Je suis fou sur Baladur. Eh ben, je vous demande de vous arrêter. Mais j'aimerais trop en voir une en vraie de marionnettes. C'est ce que j'allais dire. Elles sont exceptionnelles. Je pense qu'elles sont toutes stockées et tout. Ils devraient les faire des ventes pour des assos. Dans ma maison. Un petit musée. Avec nos millions là. Tu t'achètes qui, Adrien? Jean-Pierre Bacri, je pense. Moi. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait une marionnette de Bacri. Bah oui. Ouais, une des rares marionnettes qui était pas contre lui d'ailleurs. C'était juste qu'il l'utilisait en perso pour gueuler sur des trucs. Voilà, il en a eu marre quand même. Oui, c'est parce que ça le faisait passer pour le gueulard. Ok, je l'achète pas. J'en prends une autre. Qui alors plus, du coup. Parce que en vrai, vous voulez que je vous dise, moi, celle que j'ai préféré sortir, moi, c'était Chirac. Ah bah oui, Chirac, ouais. Chirac, c'était exceptionnel. Parce qu'il avait une débilité dans l'œil. Il avait un truc qui était exceptionnel. Quand ils avaient vraiment un truc à la. Comme le Muppet Show, quand il lui faisait cligner des yeux quand il était pas content. Il y avait vraiment un truc qui se passait. C'est exceptionnel. Mais c'est l'Homer Simpson français, c'est ma grande théorie. C'est vrai. Oui. Il a tous les qualités et défauts d'Homer Simpson, celui des guignols. Je parle pas de Jack. Je prendrais peut-être Jean-Pierre Papin, peut-être. Ah, que coucou. PAP1. Non, ça, non, c'était Johnny. C'est Johnny, ça. Attends, mais qu'est-ce qu'il disait, lui? Donc, sinon, dans les petits moments de télé qui vous ont marqué. Ouais. Moi, j'ai le Lion et Marie-Ange Nardi. Ah oui. Non, mais vous aimez que les tanas, les morts, les trucs affreux. Le lion qui attaque Marie-Ange Nardi et la griffe plantée dans le bras. Non, mais c'est affreux, ça. Non, tu sais ce qui est extraordinaire? Dis non. C'est le sang-froid de Marie-Ange Nardi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que on n'en parle pas assez de sang-froid. Le sang-froid, elle fait pas non plus vous savez votre griffe à l'intérieur. Non, mais elle hurle. Retire le lion. Non, mais moi, je crois que je serais déjà en train d'essayer de mettre des patates au lion en pleurant. Elle fait vraiment genre alors pour être plus douce, parce que vous êtes vraiment des fous, il y a quand même à l'époque de ces émissions, je sais pas si toi oui, parce que t'es vieux comme moi, Adrien, mais tu te souviens des émissions de l'été sur les plages avec Thierry Beccaro? 40 degrés à l'ombre. Ah non, 40 degrés à l'ombre, oui, c'est ça. Bah c'est Vincent Perrault, 40 degrés à l'ombre. Ah bon, c'était pas Beccaro. On y revient. En tout cas, il y avait un chroniqueur qui s'occupait de la rubrique animalière, justement, qui s'appelait Jacques Gourrier, et qui devait être un pote de la production, parce qu'il avait peur même d'un zèbre. Et toutes les images. Non, il vomit là. Attends, il vomit. Et donc il prend et dit regardez c'est adorable ça, c'est adorable, il vient de me manger. Attends, il a bougé là, il a peur de tous les animaux. À un moment donné, il y a un aigle, je me souviendrai toute ma vie, il a un gant en cuir et puis il y a un aigle, donc le dresseur dit allez hop hop hop, et donc l'aigle atterrit sur Jacques Gourrier sur son gant, et à un moment donné il est tellement tendu qu'il dit juste il y a plus de gants là, il y a plus de gants. Oui, parce qu'il remonte l'aigle à chaque remonte fois. Sur le gant, il y a plus de gants. Je m'en rappelle. Écoute-moi, avec mon frère, on regarde ça une fois par mois minimum. Et des fois, on se dit juste, il y a plus de gants. Il y a plus de gants là. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est ce qui me manque parfois, les bêtisiers. Putain, c'est on pouvait magnifique. Revoir toutes ces belles images. Mais oui, c'est magnifique. YouTube. Ouais, mais faut les chercher. Ouais, t'as les sont pris dans ta gueule. Il y a plus de gants. Bah, attends, à Noël, je suis sûr qu'il y a toujours des bêtisiers. Ah, il y a des bêtisiers. Mais oui, il y a toujours. Le rouleur des stars. Je me souviens de peut-être à Lanvin et Poulvorde avec des sushis. Ah oui, magnifique en Belgique. Voilà, sur un plateau en Belgique. Les interviews de Poulvorde, franchement, à l'époque, dans les fin 90, début 2000, il y a vraiment des trucs très très très marrants, quoi. Et moi, moment télé, je vais le redire, mais c'est Finkielkraut chez Pascal Pro qui a pas compris que l'émission Ça a commencé. Ah, j'avais pas compris que l'émission avait commencé. Tu l'as vu ça? Bien sûr, je l'ai vu. C'est incroyable. Et la tête de Pro qui s'inquiète vraiment. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, parce qu'il lui dit Non, tu sais, il lui pose une question, puis l'autre il est les bras croisés. Puis je vais vous répondre. Non. Oui, je vais vous répondre. Non, mais il faut répondre maintenant. Ah, ça a commencé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour se dire, il a entendu Pascal Praud parler à la caméra pendant 15 minutes. Ouais, il était pas là, dit... il avait des bleus. Non, déployés. Mais attends, il va y avoir une pub. Il y a non, mais c'est trop bizarre. Comment tu comprends il préparait pas son truc. Il avait la tête. Mais comment tu comprends il avait pas la tête. Ça a commencé, c'est fou quoi. Ah, ça a commencé. Il n'y a plus de gants. Ça a commencé, il n'y a plus de gants, c'est pareil. Ouais, moi, ça a commencé, je le dis souvent. Eh oui. Il n'y a plus de gants qui sera le titre de cet épisode. Il n'y a plus de gants là. Ou Foudrou, je sais pas. Il est où, il est où j'aimerais bien. Oh, la prochaine fois qu'on vient, vu que ça sera dans un quart d'heure, j'aimerais bien qu'on fasse venir Jacques Gourrier. Ah, on peut retrouver sa trace. Mais parce qu'en syntaxe, même, il était intéressant. Il disait parce que, à un moment donné, il dit mais vous savez pourquoi les zèbres, ils sont rayés blancs et... C'est lui qui dit en plus, ouais, qui propose cette info. Ouais. Ils sont rayés blancs et noirs parce que les insectes, ils se posent que, écoute bien la fin, sur le noir ou le blanc. Je sais plus si c'est le noir ou le blanc. Et il le dit comme ça. Oui, il dit le noir ou le blanc, je sais plus. Et surtout, tu te dis, bah, pourquoi ils sont pas que de l'autre couleur du coup. Mais parce surtout, que... prépare ta chronique, moi. T'es là une minute. Et il le fait, il ralentit au début de la phrase pour bien. Oui, genre, parce qu'il se pose que sur le noir ou le blanc. C'est beau, mais c'est pour moi, magnifique. C'est de la poésie. Ah, ça, je suis fan de ce monsieur. Il faut savoir, il y a une pétition en ligne pour qu'il revienne à la télévision. J'imagine que c'est toi qui l'as lancé. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais trop que quelqu'un connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un, le petit-fils de Jacques Gourrier, qui lui dise, il faut que ton grand-père écoute le podcast. Ouais. Ah, mais c'est possible. Hein. Chers amis, c'est malheureusement déjà bientôt la fin. Eh ben oui, Géraldine. Non, ça fait 10 minutes. On n'a même pas eu le temps de jouer. Quel dommage. Mais avant de se quitter. Attends, il reste une question sur la mort que t'as pas faite. Oui, mais il y a des petites choses. Il y a des petites choses à faire. Elle râle, mais c'est elle qui fait chier. Oh non! Qu'est-ce qu'elle a même pas de promo en plus. Elle vient gentiment. C'est inadmissible, c'est Noël! C'est honteux, c'est pas solaire du tout. C'est Géraldine qui fait chier. Non, j'ai dit elle râle, c'est elle qui fait chier. Non, pas sympa, non, mais je le reconnais. Non, mais après, c'était un personnage. Après, il le répète, ça va. C'était un personnage. C'est un personnage. La prochaine fois qu'on vient, on va encore se faire plaisir. On va arriver, on va être là. Au début, on va être là. Oh, il est moins mis en temps, mais on va partir passer. Tu vas nous offrir du scotch, de la colle, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas moi. Combien de temps ça va traîner? D'ailleurs, qui a gagné le. On sait pas. C'est Vincent De Dienne. Bah oui, j'ai compté les points, c'est Vincent De Dienne. Je suis trop content. Voilà, il est vraiment content. Il fait la, moi fait la gueule. Hein. Les agrafes, c'est old pour moi. C'est... Ah, c'est super. Allez, ma ped, c'est homophobe encore. Par contre, on dirait une bagnole, cette agrafeuse. Ouais, très grosse. Elle est balèze. Tu peux. Et on dirait aussi un... Le alien. Ah oui, un Ou aussi le xénomorphe d'alien. Oh là là, chacun a trouvé un petit truc. Avec des branchies, là. Bon. Alors, avant de se quitter, il y a le petit tour des recommandations culturelles. Ça peut être film... Oui, bah dégueule, écoute. Non, gifle-moi devant tout le monde. Mais je suis à sec, là. Ça peut être un film, une série, un compte Insta, un bouquin, une pièce de théâtre. Pas forcément un truc récent, juste un truc que vous avez consommé récemment. Moi, ma recommandation, ça fait un peu promo, mais comme je suis pas dedans, mais c'est parce que j'ai vraiment hâte de voir Joli le film, la comédie musicale dans lequel tu joues. Oh, bah t'es trop sympa. Mais non, mais c'est vrai, parce que d'abord, cool. Je suis une c'est grande, super. Grande moi, fan vu, de c'est comédie. Tu l'as vu? Ah, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. On a reçu la Lucianos, hein, comme je l'appelle. Ah, la Lucianos. Et Phil Pinos. Ouais. Et elles sont venues nous en parler. Du coup, j'ai vu le film. Et c'est bah ouais, très cool. Ça me donne envie. D'abord, j'adore les comédies musicales, et peut-être encore plus quand elles sont françaises. Et puis, te voir là-dedans, je sais pas, ça me fait une émotion. Là, ce que je disais la dernière fois, c'est une génération de gens qui fait plaisir à voir. Là, il y a tout le casting, c'est que des gens de ma génération que j'aime bien, ça fait trop plaisir. José Garcia. Et José Garcia, le roi. Franchement. Et t'as vu comme il chante bien? Mais bien, ce que je l'ai fait chanter moi dans mon film, dans Nous les Lorages. Ah, mais oui! Non, mais je disais pas ça pour ça, mais c'est pour te dire que je l'ai fait chanter. Et vous savez qu'il chantait bien. Ah, bah moi, il chante moins bien dans mon film. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est que la scène, c'est pas une performance, c'est ça que je veux dire. Dans Nous les Lorages. Non, c'est une performance qui est quand même éligible au César. Ce que je veux dire, c'est que tu ne vois pas la scène. La scène n'est pas faite si vous avez les codes. La scène n'est pas faite pour qu'on se dise, ouais, il chante bien. Non, alors que dans Joli. Mais surtout, José Garcia, il est fait pour qu'on se dise sans cesse que c'est un acteur prodigieux. Quoi. Exactement. C'est fou, José Garcia, c'est vraiment, il est... Il sait tout faire. C'est en plus un partenaire génial. Super. Et c'est un soldat, il ne lâche pas. Il veut que tu sois heureux et c'est un mec formidable. Moi, j'étais bouleversé de le voir. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a tout un casting, Grégoire Ludig, il y a Laura Felpin, William Lebguil, évidemment. Ouais. Non, ça fait très plaisir. Et Tex aussi. Et Tex qui s'est coupé au montage, Gastem l'a pas gardé. Il avait plus de 5 décembre à Noël. Ah bon, vraiment? Ouais. C'est arrogant, je trouve, tu vois. Je déconseille mon conseil. Ça m'a énervé. Ça, si je peux me permettre. 25, c'est quand même. Mais c'est un mercredi, c'est surtout ça. Arrête. Pour qui vous prenez? Il y a Jésus et nous. Ah ouais. Genre si ça sort. Attends, je suis d'accord avec toi. Si ça sort pas un mercredi, c'est arrogant. Non, ça sort un mercredi, bien sûr. Le 25, c'est un mercredi. Oui, bien sûr. D'accord. Quand même, c'est arrogant. C'est arrogant. Je sais pas, non, 25, on laisse. On a toujours laissé à Noël. On va pas maintenant faire autre chose. Bah ouais, mais il faut bien. On va à la messe. J'aime le parapluie en référence. J'aime plein de trucs, quand même. J'ai très envie. Donc j'y serai le 25. Vincent. Bah moi, alors c'est vraiment parce que mon regard s'est posé sur un livre. On a d'abord, la même bibliothèque. Ah, on a les mêmes. Et là, je vois un livre de François Rollin. Oui. Et ça me fait penser qu'il faut regarder Colère, il faut regarder tous les spectacles. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire, il faut regarder sans cesse François Rollin. T'as écrit sur des spectacles de Rollin aussi en plus. Ou mis en scène, pardon. Mis en scène. Génial. Bah, surtout qu'il y avait. Surtout, je l'ai adoré, jeune, adolescent, adulte. Je suis beaucoup allé le voir en spectacle et j'ai toujours halluciné de ce que je voyais. Bah, il est prodigieux. Il y avait un coffret que j'avais acheté à l'époque, un coffret DVD où il y a vraiment tout, où il y a tout, il y a même son spectacle avec Ramsey. Exactement. Et il y a aussi ce championnat du monde de récits en relais, tu te souviens? Oui, bien sûr. Où il est avec Jacques Berroyer, Clémentine Sellarier, et ils essayent de battre le record du nombre de récits en relais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit raconter un truc vrai qui lui est arrivé. Quand il a raconté, il tape dans la main de son partenaire qui doit raconter un truc vrai et ils doivent tenir le plus longtemps possible. Et alors, ils tiennent combien de temps? Oh, je sais plus. 12 minutes, hélas. Non, non, les gens étaient foudrages. C'est génial. Et Clémentine Sellarier, elle est trop bien. Et Jacques Berroyer, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais ils sont aussi gratos sur YouTube, si jamais, si vous le trouvez pas en commerce. Il y en a pas mal de ces spectacles qui sont sur YouTube, super, dont celui avec Ramsey. Ouais. Donc, je savais pas du tout qu'il y a un spectacle. Qui a l'air en 6 000 impro. Enfin, je pense que c'est un peu écrit en même temps. Enfin, il doit y avoir des bazounettes. C'est ça, exactement. Du coup, c'est le terme du théâtre, toi qui es un homme. C'est le. Oui, c'est. Là, je vois pas pourquoi vous pouffez comme des analphabètes que vous êtes. Pardon. C'est des bazounettes. C'est des bazounettes, c'est Molière. C'est Antoine Vitesse. Alors, Adrien, tu vas faire quoi que recommandation? Oh là, pas non, elle a pas pris, mais toujours, pas le truc, toujours un truc du Japon, toujours un truc. Je vous conseille le Père Lachaise. Vous êtes foutu ma gueule déjà. La dernière fois que j'ai fait une reco, vous étiez foutu de ma gueule. Je sais plus pourquoi. Vous disiez, oh, il est en train d'inventer et tout machin. Ouais. Je vais essayer de faire court. De toute façon, j'ai rien. C'est un petit jeu sur téléphone qui s'appelle La Chance du Locataire. Oh. Et en gros, le principe, c'est un jeu de machine à sous. Mmh. Mais le principe, c'est que après chaque tour, on tire une fois le truc, on marque des points, et en fait, après chaque tour, on nous propose d'ajouter un symbole dans la machine à sous. Donc à chaque fois, les symboles apparaissent de façon aléatoire, c'est le principe. Mais en gros, là où c'est pas juste une simple machine à sous, c'est que les différents, il y a une infinité de symboles qui existent, et les symboles entre eux interagissent pour rapporter plus d'argent. Oh, c'est le chinois. Attends, on va laisser Géraldine Reyes. Alors, écoutez bien. J'essaie de faire simple en plus. J'essaie de faire simple, là, tu te fous de ma gueule. Ouais, bah ouais. Et alors, fais ta détox d'Instagram ou du téléphone, je sais pas quoi. Je me fais interrompre, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voulez pas lire un bouquin? On t'a interrompu au bout de 45 minutes. Ouais, non, c'était pas si long. Non, Adrien, vous exagérez. J'ai pas fini. Moi, ça m'intéresse. Non mais je vais pas rentrer justement dans les détails. Donc, bah si, parce que là, si ça a piqué votre curiosité, jouez-y. Non mais je vais pas me encore. Ça a piqué notre. Non, mais on se fout encore de ma gueule. Mais les gens, ça sert à quoi? Je suis désolé, Adrien. Non, les gens, Balatro, t'as conseillé Balatro. Voilà. Okay. Tu connais Balatro? Oui. Tu joues à Balatro? Non, je veux pas tomber dedans. C'est génial. Je sais ce que c'est. Je te recommande. C'est génial. Non, en gros, la blague, c'est qu'un jour j'ai voulu expliquer Balatro à cette antenne. Depuis, tout le monde se fout de ma gueule et d'ailleurs, sauf que souviens-toi, Adrien. Attends, tu ne m'interromps pas. Parce que je veux dire un truc, c'est que la dernière fois je me suis dit j'aimerais bien découvrir de nouveaux jeux parce que je ne joue qu'à Balatro sur mon téléphone. Donc je me suis dit je vais aller sur l'App Store, je vais aller sur la page de Balatro et en bas il y aura marqué si vous aimez Balatro. Oui, recommandation. Voilà. Le dernier commentaire, en tout cas au moment où je suis allé voir, d'un utilisateur qui parle de Balatro, se fout de ma gueule dans le commentaire. C'est-à-dire que même sur l'App Store, je suis cité comme. C'est comme si. T'es un explorateur, t'ouvres une caverne, un truc inexploré, t'arrives et sur le mur il y a marqué Adrien Méniel, gros con quoi. Vraiment, je me disais, alors que t'es solaire. Alors que je suis solaire. Aïe. En vrai, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, parce que bon, de me faire la blague de façon incessante, oui. Ça n'est plus drôle depuis très longtemps. Mais là, la surprise était drôle. Super. Et en tout cas, là où je retombe sur mes pattes, c'est que ce jeu. Il s'appelle comment? La chance du locataire. Ouais, ça j'aime bien déjà le titre. Parce qu'en gros, c'est mieux. Le principe, c'est que tu tournes la roue 5 fois et qu'avec l'argent, tu payes ton loyer et qu'en fait à chaque manche le loyer augmente, donc tu dois à chaque fois trouver des mécaniques pour par exemple je donne un exemple vas-y, wow. Il y a le symbole, faut que je sois au théâtre à 20h30. Il y a le symbole souris. Mais si t'as aussi le symbole fromage, si jamais par le hasard le symbole souris tombe à côté du symbole fromage, la souris elle mange le fromage, ça te rapporte de l'argent en plus. Oh, bon, il y a plein d'interactions comme ça, et donc ça devient des mécaniques assez complexes et okay, tout. D'accord. Et c'est le jeu qui a inspiré le créateur de Balatro. D'accord. Ah. Il a vu ça, il a dit il l'a adapté. T'aimes les jeux de société aussi? J'adore. Mais on en avait parlé. Non, les gars, on revient il y a un an en fait. Non mais. Mais donc, je ne suis pas un joueur qui sort au cinéma la semaine prochaine. Ça. Non mais oui, j'adore les jeux de société. Il est fou de jeu, Putain, mais il faut qu'on se voit. Parce qu'il fait des week-ends, il fait des week-ends avec des gens qui sont fous de jeu. Mais moi je l'ai fait là il y a deux semaines. Des week-ends entiers. Ouais. C'était l'anniversaire d'un pote. À quoi vous avez joué? Moi j'ai beaucoup joué à Concept. Ouais, super. J'adore Concept. Moi aussi, j'adore. J'ai joué à Tu te mets combien? Ouais, le 2, le noir. Qui est mieux quand même. Il y a Jean-Paul Rouve dedans. T'as vu? Tu te mets combien en Jean-Paul Rouve? Ah ouais? Il a de la chance. Ouais. Moi, je suis dans une question. Ah ouais? De enfin, j'ai pas un dossier. Ouais. Mais je suis dans une question Big Flo et Oli. Et c'est genre, quel est le surnom d'un des deux frères? Big Flo, Flaubert. Donc ça veut dire que peut-être il nous écoute. Peut-être. Et donc du coup, mettez une carte Vincent Dedienne. Vincent Dedienne, mettez une carte Floodcast. Mais non, mais combien en Floodcast? Les gens savent pas, mais Vincent Dedienne. Non, moi je veux. Non, Floodcast, non, c'est trop. Tu joues avec tes parents. Floodcast, ils vont faire, bah, je le mets zéro. Enfin, des fois, il y a des trucs genre les mycoses, je connais trop pas. Super hygiène. Imagine. En tout cas, m'offrez vraiment pas ça pour mon avis. Blanc le cache le truc. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Tu conseilles rien, toi? Si, mais il faut que Gérald dise. Ah oui, tu que quoi? T'as dit quoi? Je conseille des trucs toutes les semaines. Mais conseille! Bah écoutez, j'ai découvert les films du Muppet Show. Parce que on parlait des guignols de l'info. Moi j'étais toujours passé à côté du Muppet Show. J'ai pas du tout grandi avec le Muppet Show. Je découvre, et bah écoutez, c'est vachement bien. En écriture, en rythme. C'est ces trucs qu'on adore de toute la famille, de les enfants adorent, mais quand t'es grand, t'as plein de blagues un peu cachées. Et vraiment, ils sont tous sur. Alors, il y a les récents, ceux de après la mort du créateur Jim Henson, sont un peu moins intéressants, mais les très vieux des années 70 sont super. Et du coup, je suis un peu tombé dans un vortex sur YouTube où je regarde des vieux épisodes. Il y a un épisode avec Charles Aznavour, qui n'est pas dans le film Monsieur Aznavour et qui manque quand même. Mais ouais, il y a plein de sketchs vraiment très très marrants du Muppet Show et c'est vachement bien. Voilà, on a beaucoup parlé de marionnettes dans cet épisode. Oui, on a parlé de Panacloc, des guignols et des Macron. Ça va. Marionnettes des industries. Alors, juste avant de vous quitter, donc dernier petit tour de table. Vincent, tu joues un soir de gala au Bouillon. Il n'y a plus beaucoup de place hein, quand même. C'est très rempli, mais il y a encore moins encore le nom du porte de gala. au Bouffe du Nord et non pas au Bouffe Parisien. Parce que moi, je m'étais trompé une fois pour un théâtre, 120 euros dans le cul. Non, pas pour ton spectacle, mais une fois, j'étais allé voir une pièce de théâtre. Je croyais que c'était au Bouffe Parisien. Et c'était au Bouffe du Nord. C'était trop tard, je mettais les deux places donc je le dis aux gens parce que dans le cul, Lulu et Charlie. Tu vois. Attends, mais donc tu termines. T'as fait toute une tournée et tu termines le soir. C'est fini. Dernière. Mais par contre, tu joues le 25. Ouais. Et le 31. Oui, mais c'est blasphème. C'est arrogant ou pas? Non, c'est SOS de Trace Amitié, franchement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est gentil. Et le Cinoche, c'est gentil parce que parce qu'il y a des humains live. Oui, je vois ce qu'elle veut dire. C'est gentil. Mais en termes de théâtre, vous pouvez aussi le voir en janvier. À partir de janvier, c'est jusqu'à quand jusqu'à début avril. Mal quand même. Juste la fin du monde et Il ne m'est jamais arrivé de Jean-Luc Lagarde. Deux très belles pièces. Il y en a une des deux que je connais pas, mais l'autre est vraiment bien. Juste la fin du monde, très très belle pièce. Et avec toute une équipe. Non, mais c'est quand même une prouesse parce qu'il va jouer le lundi une pièce et le mardi l'autre. Non, c'est ça. C'est vraiment pire. Ah oui, quasi recordman. C'est un truc de dingo quand même de faire ça. Et aussi en 2025, il y a Natacha Hôtesse de l'air qui sort en plateforme, je crois, ou au cinéma. Au cinéma, très bien. Et vous êtes d'ailleurs tous les deux avec Géraldine à l'affiche de Mac Walter, réalisé par Simon Astier. C'est vrai. Le film, le héros, interprété par Mr. V. Le film Mac Walter. C'était chouette, vous avez c'était bien kiffé. Ouais, trop bien. On a tourné en Bulgarie, dans ce qu'on appelle des backlots, des studios extérieurs. Oui, l'équivalent de New York. Absolument. Ouais. Et bah, du coup, on s'en souviendra longtemps. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Si, parce que c'est dingo. À New York, mais tu m'as emmené voir les studios de nuit. Je me suis promené dans un faux New York de nuit avec Géraldine Nakache. J'ai beaucoup aimé ce moment. C'est beau. Dément. Incroyable. Ah, c'était incroyable de vivre ça. Vous reviendrez nous en parler. Voilà. Bah, bien, oui, sûr, évidemment. Bien sûr. Avec plaisir. Et Géraldine, il y a un teaser qui est sorti hier. Tu es dans le combat des chefs Astérix. Ah ouais, génial, la génial. Série d'Alain Chabat. Il y a un teaser qui est sorti. Il y a un teaser qui est sorti. Et quand même, t'interprètes une héroïne nationale. Absolument. Bonne mine. Bonne mine. Ouais. Oh, j'ai de la chance. Ouais, j'ai de la chance. C'est ma préf, faut pas casser. Ouais, génial. Elle est vraiment. Quand je la... Non, mais c'est vrai. Elle est bonne mine, quoi. Ouais, ouais, ouais, bonne mine. Elle est démente. Avec Grégoire Ludic qui fabre un raccourci. Exactement. Le couple de chefs. Oh, génial. Et du coup, évidemment, Alain ne s'est pas privé pour travailler 200 000 ans sur les épisodes. Donc ça va être très bien. J'ai très hâte. Ah, ouais, ouais, ça va être formidable. J'ai très hâte. Donc, ça sort quand? C'est courant 2025, ils disent pas. Courant 2025 parce que je pense qu'il changera des trucs en 2026. C'est la seule série qui va être mise à jour. Oui, vous n'hésitez pas à retourner dessus tous les ans. On va regarder l'épisode 2 parce qu'on a tout changé. Voilà, c'est pas comme ça comme idée. Bah ouais, c'est vrai. Bon bah voilà, merci beaucoup. Merci, c'était trop bien. Merci, à très bientôt. Ah oui, joyeux Noël. Quelque chose de fête. Ça sort après Noël, ça. Arrête tes conneries. Salut tout le monde. Je suis pas homophobe. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.